Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 4 janvier 2016, je vous présente une émission spéciale mettant en vedette la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. J'ai demandé à Samuel de choisir ses 4 chroniques préférées depuis ses débuts à l'émission, donc à venir plus tard, mes premiers jeux vidéo, les manettes et histoire d'Halloween, mais pour l'instant, voici sa chronique sur Banjo-Kazooie. C'est le moment de la chronique sur les jeux vidéo rétro avec notre collaborateur Samuel Girard. Et le voici qui arrive à l'instant. Ouh! Avec son banjo! Quand tu m'as dit que ça allait sonner comme Banjo-Kazooie, je pensais pas que ça allait sonner autant comme ça. C'est alors, t'es très, très similaire, mais quand même, si t'écoutes les deux à la suite de l'autre, ouais. Tu vois que c'était enrichi de manière très différente. OK. C'est donc la trame sonore de Banjo-Tooie qu'on entendait. Exactement. Pour faire suite à la précédente chronique d'il y a 2 semaines, où on parlait de Banjo-Kazooie, la série. En général, et on continue avec d'autres faits cette semaine, Samuel. Exactement. En fait, il y a tellement de choses dans ce jeu-là, et j'adore tellement ce jeu-là, je me suis dit, on peut pas faire ça en seulement une semaine. Faut mettre ça sur 2 chroniques. J'ai entendu dire que cette semaine, ce serait particulièrement kinky. Oui. Donc, on va avertir notre public sensible de peut-être certains de ces faits-là pourraient vous titiller un peu trop l'oreille. Oui, exactement. C'est séduisant par moment, je pense. Oui, mais c'est pas le début, on n'aura pas de ça, c'est après que plus ça tard, va se... On fera un vrai avertissement officiel. Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Je vais commencer là, avec les Stop and Swap. J'avais introduit ça la semaine dernière quand j'avais parlé un peu d'un secret dans le jeu, une fameuse clé de glace, des œufs, tout ça, avec les codes qu'on pouvait entrer dans le niveau Treasure Trove Cove. Okay, oui, c'est vrai. Là, j'en parle officiellement. C'est quoi ce fameux secret-là? Quand on fait le tour à 100% dans Banjo-Kazooie... Ce qui est difficile. Oui. Beaucoup d'affaires à ramasser. Exactement. Beaucoup de choses à trouver. C'est pas juste de compléter le jeu. Il y a d'autres choses à trouver en plus. Donc, quand on fait le tour à 100%, eh bien, on a une cinématique supplémentaire à la fin dans laquelle Mumbo, le magicien qui nous transforme, nous montre des images de plus. Et évidemment, c'est des photos animées, okay. Juste pour rajouter un petit peu à la sorcellerie. Oui, c'est ça, exactement. Des gifs, mais à la main. Avant que les gifs existent. Ouh. Oh, je sais plus. Je sais pas, on voudrait vérifier. 98, le jeu. Ah, OK, ouais, non, ça existait sûrement. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, il nous montre les images et ça nous explique comment aller chercher 3 objets. Okay. Donc, il y a premièrement la clé de glace dans Freezy's Peak, un œuf rose dans Treasure Trove Cove et un œuf bleu dans Gobby's Valley. OK. OK. Au total, c'est 6 œufs et une clé. OK, parfait. Donc, les joueurs voyant ça se disent parfait. Il y a une quête de plus à faire quand on finit le jeu. Let's go, allons-y. Mais oui, en plus, ils nous montrent les endroits et comment se rendre. Oui. Donc, on y va et rien qui existe. Évidemment. On peut pas passer à ces endroits-là puis il n'y a rien de changé. Même en trichant dans le jeu, même en faisant des modifications de code, c'est nul part. Il y en a avec les Game Shark qui ont réussi à ouvrir ces passages-là. OK. Donc, c'est ce qui a alimenté le secret encore plus. Mais au début, avant qu'on puisse faire ça, c'est un mystère total. Oui. Mais là, c'est quoi ça? Pourquoi qu'ils nous disent ça à la fin du jeu, mais on peut pas le faire? C'est mesquin, c'est ça. Très méchant. Ouais. OK? Surtout pour moi, j'avais 10 ans, là, je voulais trouver. Là. C'était le seul jeu que t'avais pendant un bon bout de temps, fait que tu voulais vraiment l'épuiser jusqu'à la dernière goutte. Exactement. Ouais. Là, tu veux trouver ces affaires-là, mais pas moyen. Ah. Alors, les joueurs ont travaillé très fort pour résoudre le mystère qui a finalement été résolu. Oh. Donc, je t'explique, ces objets-là devaient servir pour la suite, Banjo-Tooie. Okay. Ça, c'est donc dans le premier jeu Banjo-Kazooie. Exactement. C'est supposé servir pour Banjo-Tooie. Okay. Exactement. Donc, ça devrait ouvrir des passages supplémentaires dans Banjo-Tooie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la manière de fonctionner, c'était de jouer à Banjo-Kazooie, ramasser les objets et d'aller dans un menu. Et là, on retirait rapidement Banjo-Kazooie de Nintendo 64 et on rentrait en vitesse Banjo-Tooie et ça transférait les données. Tu parles de la cassette physiquement l'enlever de la console, j'aurais peur. Ouais, ben moi aussi. OK. Mais le Nintendo 64 était fait au départ qu'il y avait 10 secondes où la mémoire restait. OK. L'affaire, c'est que c'était dans les premières versions de Nintendo 64. Ouais. Quand que la console est sortie, le délai était maintenant d'une seconde. OK, donc là, t'as aucune chance d'être capable de faire l'échange. Là. Quelqu'un de très rapide, ça prend 2 secondes et demie. Ew. OK, donc là, c'est maintenant une seconde. Donc, le jeu s'est retrouvé à plus pouvoir mettre cette option-là. Ouais. Et en plus, il s'est ajouté à ça des dangers de briser la console et le jeu en faisant cette manipulation-là rapidement. Ouais. OK. Donc, finalement, l'idée a été retirée, mais Rare étant tellement sympathique, ils ont laissé la cinématique à la fin. Le sachant très bien que ça allait provoquer une controverse. Oui, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ça allait, à ce que ça provoque la plus grosse de l'histoire. De l'histoire des jeux vidéo. Une des plus grosses. Oui, ouais, c'est... Okay, c'est un, puis encore aujourd'hui, les joueurs cherchent et se renseignent là-dessus. Mm-hmm. Si vous allez sur YouTube et que vous marquez Stop and Swap, les vidéos sont très, très populaires et toujours autant regardées. Eh ben. Parce qu'il y a des gens qui se posent encore la question. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le jeu s'est racheté auprès des fans parce qu'ils ont refait les jeux pour le Xbox 360. C'est vrai. En beaucoup plus beau encore. Oui, ouais. Exactement. Donc, c'est le même jeu identique, les mêmes contrôles, la même aventure. Sans le logo de Nintendo. Ouais, c'est ça. Mais ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ajouté des choses à l'intérieur, dont ces objets-là. Et là, maintenant, vu que c'est dans ta console Xbox, ben, c'était plus facile de te faire le transfert des objets. Ben oui. Donc, ils se sont rachetés. Mais pour ceux qui jouent au 64, c'était tout qu'un mystère. Mais dirais-tu, toi, qu'en tant que fan, est-ce que tu as joué la version sur Xbox? Non. Non, parce que je me demandais si la version sur Xbox était la version définitive de Banjo-Kazooie, celle à avoir, mettons, si j'ai à choisir entre l'acheter sur ma 64 ou m'acheter une Xbox 360 pour pouvoir jouer à ça. Je te dirais que les versions sont tellement pareilles, okay, que tu y vas au choix. Est-ce que tu préfères jouer avec la manette de 64 ou la manette d'Xbox? Nintendo 64, t'as bien raison. Je te dirais que c'est là le dilemme. Okay. Parce que le jeu change pas à part les graphiques. Ben, si c'était pour les graphiques, donc achète une Xbox avec le jeu et puis trouve-toi un adaptateur de manette de Nintendo 64 pour pouvoir jouer sur ta Xbox. Ça doit exister. Ça, c'est génial. Okay. Ouais, ça peut être le meilleur des plans. Donc, le meilleur graphique avec la manette originale. Tout le monde gagne. Wow! Ouais! Alors là, c'est vrai, je tombe dans la partie pour oreilles chastes. Avertissement. Oui! Cette chronique s'adresse à un public plus ou moins averti. Voilà. OK. C'est comme ça qu'on dit ça d'habitude, plus ou moins averti. OK, c'est bon. Alors, le débat sur le jeu. Est-ce que Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie auraient vraiment dû être classés E pour everyone? Pour tous. Général. Mm-hmm. OK. Les fans ont remarqué à travers les dialogues et à travers beaucoup de sous-entendus des choses qui n'étaient pas adaptées pour des enfants. C'est sûr que quand on est jeune, on ne porte pas attention à ces choses-là. Mais quand même, on joue un peu plus vieux, on s'en rend compte. Et je me suis amusé à en recenser quelques-unes. Pas toutes. OK. Okay, les meilleures. Ouais, les meilleures ou celles qui étaient le plus évidentes. Mais c'est ça. Mais il y en a d'autres. Si quelqu'un veut chercher, il y en a d'autres. Je vais commencer avec Banjo-Kazooie. OK. Dans Gobby's Valley, quand on parle à Trunker, qui est l'arbre au début du niveau, Kazooie lui demande « How's your nuts, Bark Brett? » Donc, comment vont tes noix? Tes noix. Puis après ça, ils traitent d'haleine de chien. OK? Et, mais c'est ça, nuts, c'est parce que ça peut être interprété de plusieurs manières. Disons, on va le dire avec le vrai terme médical, des testicules. Exactement. Et là, ouais, mais c'est une expression. Mais non, parce que Banjo, suite réprimande Kazooie dès qu'il dit cette phrase-là. Donc, ça alimente encore plus le débat. Le double sens. Oui, exactement. Mm-hmm. Dans Grunty's Lair, vous pouvez trouver la sœur de Gruntilda. Gruntilda qui est la méchante, la sorcière, mais elle a une sœur qui est gentille. Et elle nous révèle des secrets sur sa sœur qui vont nous servir dans un quiz à la fin du jeu. Mm-hmm. OK? Mais il y a un des secrets qui nous révèle que l'activité préférée à Gruntilda dans les parties, c'est de faire des striptease. Oh! Ouais, c'est une belle activité. Ouais. Au moins, c'est pas une question de ballet quelque part. C'est ça. Il y a des histoires de ballet, mais ça, c'est peut-être moins double sens que celle-là, direct. Dans le niveau Man Monster Mansion, quand on jette un œuf dans un des pots pour faire apparaître des fleurs, le pot nous remercie. OK? Je te laisse jouer l'extrait 1 et dis-moi ce que le pot de fleurs dit. On écoute ça. Thank you. Thank you? Oui. Je vais le réécouter. Thank you. Thank you. La manière qu'il prononce, c'est soit « oh good »,« thank you » ou « fuck you ». Ben voyons donc. Réécoute-le. Les gens ont une imagination, c'est clairement un accent britannique. Thank you. Thank you. Clairement. Ouais, mais sérieusement, les gens, je sais pas pourquoi, mais la première écoute, c'est jamais « thank you » qui vient en tête. Ah non, j'avoue. C'est... C'est entre les deux, je te dis. Ouais, donc c'est une belle manière de remercier si c'est la troisième option qui est la bonne. Dans la scène finale de Banjo-Kazooie, lorsque tous les personnages sont sur le bord de la plage, il y a une femme qui passe avec un plateau de fruits. Mm-hmm. Je te laisse regarder l'image 1. Oh, sur Facebook? Oui, alors si vous voulez, les gens qui écoutent, si vous voulez voir aussi les images, moi, honnêtement, je trouve que les melons d'eau sont placés une drôle de place sur le plateau. Je m'y rends. Hey, con! Ils sont exactement aux bonnes places. Oui, exactement. Par rapport à l'angle de la caméra, directement devant son torse. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, beau petit clin d'œil ici. Dans la même scène, Mambo montre à Banjo-Kazooie comment aller chercher la clé de glace que j'ai parlé tantôt. Et la première réaction de Kazooie, c'est il dit « I know where I'd like to stick that ». Moi, je le sais où est-ce que j'aimerais ça rentrer ça. Aïe. Ouais, c'est... Ouais. Merci, Kazooie. On va aller dans Banjo-Tooie, parce que c'est là-dedans qu'il y en a le plus. Mm-hmm. OK. Si j'y vais avec... OK, c'est ça. Dans le niveau Cauldron Keep... on a accès à une fameuse machine qui est la cause de la quête du jeu parce que la machine attaque le village des Jinjo. Mm-hmm. Okay? Et la machine, quand on arrive, c'est écrit dessus B.O.B. Operator. Dans la vraie vie, B.O.B. signifie Battery Operated Boyfriend. Je te laisse te faire une image. Ouais, je l'ai déjà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne à batterie que les femmes aiment bien pour remplacer un copain? Qu'elles appellent leur meilleur ami. Ouais, c'est ça. Oui. Et pour ajouter encore plus à la connotation, les boutons pour faire fonctionner la machine, c'est sock et blow. Ouais. Comment traduire ça pour pas être vulgaire? Tu veux vraiment traduire non. ça? Comprenez-le vous-même. Oui. Exactement. Ensuite, dans le niveau Mayhem Temple, il y a une grille pour jouer aux mots cachés. Donc, c'est une grille avec des mots. Et tu sais, quand tu trouves tous les mots, ben, à la fin, les lettres qui restent te donnent un mot. Une réponse. Exactement. Ouais. Le premier mot qu'on voit en haut, si on lit de droite à gauche, c'est le mot « arse ». A-R-S-E, comme des fesses. Exactement. Genre. Donc, c'est un synonyme de « ass » qui veut dire « fesses ». Mais ça, si c'est de droite à gauche, c'est donc à l'envers du bon sens. Donc, juste un hasard. Celui-là est tiré par les cheveux. Ou les poils. De fesses. Ouh. Public averti. C'est bon, déjà averti. Aïe, aïe, aïe. J'y aurais pas pensé à celle-là. dans le niveau Glitter Gulch Mine, le personnage Canary Mary vous donne une pièce de casse-tête et un bout de parchemin. Juste pour vous figurer un peu, Canary Mary apporte une petite jupe courte et un gilet assez moulant. Okay. Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas d'image parce que le gag ne va pas avec l'image. D'accord. Mais c'est juste que quand elle nous donne l'article, elle nous dit... elle nous dit « Ah, merci, ça faisait un bout que je gardais ça sous moi dans mon... » Et Kazooie, la coupe, tu dis « Je veux pas le savoir! » Mais là, tu dis, tu regardes le personnage et tu dis « OK, la main qui est établie, où est-ce qu'elle gardait ça, effectivement? » C'est vrai. Donc, très drôle de ce côté-là. Ensuite, dans Jolly Rogers Lagoon, il y a un bar. OK. OK, déjà en partant dans le jeu pour enfants, il y a un bar. Ouais. OK. Qu'est-ce qui est encore drôle, c'est qu'est-ce qui se passe comme activité dans le bar. Il y a une serveuse dans le bar, une serveuse qu'on doit aller secourir à l'intérieur d'un poisson géant. Et, évidemment, comme ouais, tous les jours. Là. Exactement, c'est une activité courante. Mm-hmm. Et quand on réussit à la secourir, elle veut vraiment retourner au bar absolument parce qu'elle veut pas manquer un événement. Quand on va la voir au bar après, elle nous explique que tous les mercredis soirs, c'est l'activité Grab a Sailor Night. Si je traduis, c'est les mercredis soirs attraper un marin. Ah ouais. OK. Là, elle demande, est-ce que vous voulez participer? Banjo dit, c'est beau, on va sauter notre tour. Non, merci. C'est ça. Donc, c'est un petit peu suspicieux comme activité. À peine. Ensuite, elle explique que pour une pièce de monnaie, ils peuvent avoir 5 shops de Siemens Brew. C'est Siemens Brew, OK, mais c'est parce que c'est à 2 lettres près d'être Siemens Brew, qu'on peut traduire comme étant sperme. Ça sonne pareil à l'audi... Exactement. À l'audi. Ouais, et Siemens Brew, c'est quoi? Une bière de marais, mais une mousse de marais, je sais pas. C'est mais c'est bizarre. Ensuite, sur le menu, quand on regarde le menu du bar, on a le choix entre des pâtes salées, a toad in the hole, j'ai juste réussi à traduire ça comme étant un crapaud dans le trou, un crapaud dans l'orifice, quelque chose de même. Mm-hmm. C'est bizarre. Et le dernier, c'est la surprise du marin. Ah, encore une fois. Ouais, c'est ça. Ce marin s'est fait aller, là. Le gouvernail. Ouais, c'est ça. Donc, un bar avec beaucoup de belles activités tard le soir. Quand on sort du bar, il y a des petits porcinets qui veulent se baigner dans une piscine, mais l'eau est polluée. Donc, ils demandent à Banjo d'arranger la piscine. Et quand on reparle à ce porcinet-là, il dit « Dépêche-toi, je sens ma troisième jambe qui est en train de pousser. » Ah. C'est même pas subtil rendu là. Je comprends même pas que ça fait référence à quoi d'autre que ça. C'est ça. Un enfant comprendrait quoi à ça, sa troisième jambe? La seule chose que je pourrais voir, c'est s'il y a des matières radioactives dans l'eau et qu'il est en train d'avoir une mutation. Genre. C'est la seule chose que je pourrais voir qui expliquerait cette tournure de phrase-là, autre que. C'est pas du double sens, là. C'est du sens très, très particulièrement unique. Et ouais, c'est ouais. Ça. Ensuite, quand on va sous l'eau, il y a une batteur qu'on peut avoir avec Lord What Fak Fak. Un nom de poisson. Okay. Je sais pas pourquoi il s'appelle de même, là. Mais celle-là est un peu plate à dire, mais c'est parce que quand on y fait des dégâts, ben, il y a un gros splash de sang. Le sang était interdit dans un jeu qui est classé E. C'est vrai? Oui, alors petite lacune ici. Ils l'ont laissé passer. OK, bizarre ça. Ouais, donc pas de caractère sexuel là-dedans, mais seulement le fait que c'est un oubli. Il est pas censé avoir de sang dans un jeu général. Étrange. Ouais, mais celle-là, c'est correct. dans le village de Jinjo, il y a le roi des Jinjo qui se surnomme King Jingling. Mais Banjo arrête pas de se tromper de nom et l'appelle King Dingling. Mais Dingling, ça représente l'engin masculin. L'engin masculin. Exactement. Oui. Donc, évidemment, le roi des Jinjo le reprend tout le temps en disant voyons, là, t'arrêtes pas de te tromper. Mais c'est ça, c'est drôle de manière de se tromper, comme on dit. Dans Banjo-Tooie, dans le niveau Hellfire Peak, c'est possible d'aller rendre visite au bon vieil ami Buggy. Qui est un allié de Banjo-Kazooie. Là, il a déménagé dans un nouvel igloo. Okay. Dans Banjo-Tooie, on le retrouve. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on va y parler, il nous dit « Ah, tu peux rester, je me suis acheté le nouveau Hot Bear Babe DVD. » Et il prend le temps d'ajouter « Should be hot stuff. » Ah, ça devrait être chaud. Ça va être chaud. Wow. Ouais, et Banjo qui dit tout de suite « On va sauter notre tour, merci quand même. » Ah, dans ce cas-là... Il aurait pu dire oui. Ben oui, mais tu sais, c'est Banjo est le personnage pour enfants. C'est ça. Alors lui, il refuse ce genre de... C'est un personnage sage. Oui, c'est ça. C'est ça. Contrairement à Conker dans Conker's Bad Fur Day. Oh, ça. Non, je pense que Conker aurait pris des vacances tout de suite et se serait installé bien comme il faut. Ouais, c'est ça. Et si tu veux regarder l'image 2... Oui, la madame. Oui, la femme de Buggy. Mmh. Qu'est-ce qui arrive avec ce personnage-là, OK? C'est que c'est une ours avec un peu de surpoids, mais qui a d'assez bons atouts. Poitrinesque, mettons. Ouais, c'est ça. Et l'affaire, c'est que quand on y parle, je sais pas pourquoi, mais ils ont fait en sorte que le personnage se promène énormément de gauche à droite. Ah, oui. Et ça se promène beaucoup. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'un personnage comme ça est toléré dans un jeu pour enfants? C'est ça. Parce qu'en tant que tel... En tant que tel, le personnage n'a pas de problème. Non. Mais c'est d'y rajouter le mouvement. L'effet de mouvement, c'est ouais. Ça. Ça pourrait donner le mal des mouvements, quasiment. Oui. Ça bouge beaucoup. Toujours aussi bon. Dans Banjo-Tooie, dans le niveau Cloud Cuckoo Land, il y a une bouteille dans une poubelle qui est écrit Jolly's Juice, donc le jus de Jolly. Ouais. Si je fais référence aux spécialités du bar, Simmons Brew. Ouais, c'est ça. Ça a un caractère assez bizarre encore. Tout peut avoir un caractère aussi bizarre là-dedans. On peut interpréter ça de différentes façons. Je me demande si celle-là est je sais pas, juice. Ouais, c'est ça. Je vais finir avec mes trois préférés. Ah, cool. Oui, je garde le meilleur pour la fin. Dans Banjo-Tooie, dans le niveau Witchy World, il y a un combat avec Monsieur Patch. Je te fais ouvrir la troisième photo. Ouais, j'y suis. OK. Un toutou de dragon... C'est un toutou gonflable. Ouais. Un dinosaure gonflable. Okay. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit gonflé à quelque part. Et la prise pour le gonfler, je sais pas si tu vois sur l'image, est située où? Ouais, dans son antre, genre. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de jouets pour enfants qui ont ça dans la vraie vie, tu sais. Ah oui? Donc, fait dans le jeu vidéo, c'est d'avoir fait exprès, là. Ouais, c'est ça qui est... Mais oui, exactement. Alors, il y a une belle prise pour le gonfler dans l'entrejambe. Ça paraît vraiment trop. T'as pas à le gonfler dans le jeu. Non, il se gonfle tout seul. Il se gonfle tout seul, une chance. Oui, mais un coup gonflé, on la voit très bien, la prise. Ouais. Ouais, c'est ça. J'adore celle-là. C'est très bon. Ça, vraiment, c'est ma préférée. Dans le niveau Pterodactyl Land, quand on survole le fond du niveau, l'image 4. Ouais. OK. La formation de montagne donne un engin masculin. Ils sont tellement immatures. Pour vrai, les montagnes, les deux grosses montagnes sont en forme de nuts, on va se le dire, testicules. Oui. Ensuite, t'as vraiment un amalgame de juste une petite île en fait sur le long avec une bulle à la fin. Et après ça, plusieurs petites bulles d'île. Oui. Qui représentent du Siemens Brew. Exactement, si on peut le dire comme ça. Et le, on le voit un peu mal sur la photo, malheureusement. Mais l'autre partie de la montagne, okay, c'est clairement une paire de fesses. Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est l'immaturité des créateurs de jeux vidéo. Ben oui! Qui se disent, personne va voir ça vraiment de loin et longtemps, fait qu'on peut s'en permettre. Mais non, on peut voler dans le jeu. Donc on peut passer au-dessus et avoir une belle vue aérienne de cet endroit-là. Magnifique, faire pause là-dessus puis faire ce que vous voulez après ça. Et en plus, dans ce jeu-là, dans Banjo-Tooie, ils ont ajouté, quand on est dans un vol aérien, on peut viser en first person, en première personne. Mm-hmm. Donc c'est encore plus facile de se faire une belle prise de vue. Malade. Sur cette zone-là. C'est toi qui as pris cette photo-là? Non. Non. c'est ça. Tu avais le drôle de passe-temps. J'arrête des jeux vidéo, je prends des photos d'îles placées en forme d'engin masculin. Mm-hmm. Ouais. Non, j'ai d'autres passe-temps que ça. J'aime mieux faire le jeu que de prendre le temps de chercher ces choses-là. Non, je passe mon tour, comme dirait Banjo. Exactement. Et pour terminer avec des bonnes blagues de salle de bain. Ça passe tout le temps. Pipi caca poil. Ouais, exactement. Donc, dans Grunty's Industry, j'avais parlé de la toilette il y a deux semaines qui est bouchée et Kazooie réfère Mario. Ouais. Bon, il y a une autre salle de bain à côté, mais celle-là est tout le temps fermée. OK. OK? On peut pas y avoir accès. Mais si on s'approche de la porte, il y a quelqu'un qui nous parle. OK. OK? Quelqu'un qui en a utilisé la toilette. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'on y va, c'est une phrase différente. Donc, il faut s'amuser à y aller plusieurs fois et écouter tout l'éventail de ce qu'il y a à nous dire. Et sérieusement, c'est une des répliques assez incroyables. Je les ai toutes énumérées. OK. Donc, ça va de... Arc, mes doigts viennent de passer à travers le papier. Okay. Y a-t-il quelqu'un, la barrure est brisée? Ah, ça doit être le curry que j'ai mangé hier. Ah. Oh non, je me suis arrosé. Ah. Hey, c'est n'importe quoi. Celle-là est pas pire. Ouch, elle a piqué en sortant celle-là. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh non, ça déborde. Ah. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Oui, celle-là est pas pire aussi. Oh, j'ai vraiment hâte de voir Toilette Ducky gérer cette situation-là. Toilette Ducky étant le produit en forme de bec de canard pour nettoyer. Oui. Ouais, c'est ça. Le petit bec câble. Ouais, c'est ça. Sinon, oh non, regardez mes pantalons, ma mère va me tuer. Prendre le temps d'écrire tout ça. Oui. Sinon, la prochaine, oh non, il n'y a plus de tapis de toilette. Et la dernière, si je te vous, je rentrerai pas ici pour les 10 prochaines minutes. Ah. Et ce ne sont des citations, bien sûr. C'est pas nous là, qui disons c'est ça. C'est des citations de personnages dans un jeu vidéo. Ouais, personnage de Banjo-Tooie qui a beaucoup de temps à perdre et qui est là beaucoup trop souvent pour avoir tout cet éventail de répliques-là à chaque fois qu'on s'approche de la salle de bain. Et il y a personne qui allait cliquer plusieurs fois sur ça, ou tu sais, qui allait. Parce qu'il faut, est-ce qu'il faut que tu lui demandes pour lui parler ou il dit ça automatiquement quand tu passes devant la salle de bain? Dès que t'es collé sur la porte, okay, ça part tout seul. OK, OK. Mais c'est ça, mais moi, tu sais, je veux dire, OK, je vois qu'on peut pas passer, je vois qu'il dit une phrase. Ça revient pas parfait, du fois. Je reviens pas. Ben non. Mais il y en a qui sont amusés à revenir plusieurs fois, puis ils ont remarqué que le dialogue changeait à chaque fois et qu'il y en avait un assez bon éventail. Wow. Ouais. Alors voilà, c'est ce qui complète pour ma chronique officiellement là. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, on a fait le tour. On n'en reparle plus jamais. Oui, et si vous voulez aller voir, il y en a d'autres sur Internet. Vous allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos, il y en a plein de décrits. Il y en a aussi pour Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, qui est l'autre jeu au Xbox 360. La suite qui n'est pas vraiment en tant que tel un jeu de Banjo-Kazooie, ouais, juste par ça. La bande. Mais là-dedans aussi, il y a beaucoup de gags. Il y a des personnages qui reviennent et on dirait qu'ils le savaient. Ils ont repris des gags similaires. Ah, oui, exactement. Au moins, donc, le style d'humour reste. Je sais qu'il y a des versions de Banjo-Kazooie sur, il me semble, sur les consoles portables aussi, donc il doit aussi avoir quelques secrets, oui, j'imagine. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins populaires parce que les gens explorent moins un petit peu ces versions-là. Mais oui, Game Boy Advance, il y a, je pense, deux, trois bons jeux de Banjo autour de la même histoire. Donc, beaucoup de choses à découvrir de ce côté-là. Ouais. Génial. Et on retrouve les photos sur assemblagerequis.com. Je pense que pour te remercier, Samuel... Thank you. Je suis censé l'interpréter comment, mais qu'est-ce qu'on a dit? Thank you. Donc voilà pour Banjo Kazooie, Banjo-Tooie. Tiens, tant qu'à se quitter avec une pièce qui vient de commencer, écoutons-la. C'est la pièce Jolly Roger's Lagoon de la trame sonore de Banjo-Tooie. C'est on est merveilleux. On m'a dit plein de choses. Thank you.

très bon concept, très bien exécuté comme toujours. Ben, merci beaucoup. J'aime les petits grab bags, les mélanges de remix de plein d'affaires en même temps dans la même chronique. J'aime ça, je trouve ça cool. Merci Samuel Girard. Vous écoutez une édition spéciale du Mathieu Plante Show sur la chronique d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. Au retour, une chronique sur les manettes et une histoire d'Halloween. Restez là. Vous êtes toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. L'émission sera de retour à son format habituel la semaine prochaine, mais cette semaine, je vous présente une édition spéciale sur la chronique de Gamer à un autre avec Samuel Girard. Plus tard, une histoire d'Halloween, mais pour l'instant, voici sa chronique sur les manettes. C'est le moment d'accueillir notre chroniqueur, notre collaborateur, celui sur les affaires des jeux vidéo de Dalton. C'est Samuel Girard. Salut Samuel! Hey! Bonjour! Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Ah, très bien, merci d'être là pour ta chronique sur les jeux rétro. Ça fait plaisir, j'aime ça avoir un petit segment dans le marathon Mathieu Plante. Merci, ouais, ton petit 20-25 minutes dans mon... 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures. Exactement. Le mercredi. Mais je suis très content de t'avoir avec nous. Et en plus, cette semaine, c'est une édition spéciale de ta chronique. Oui, à ta demande spéciale en oui, plus. C'est ma faute. Si jamais c'est mauvais, ça va être moi qui va être... Ben non, ça va être instructif. Okay. Ça va être bien... Mais oui, non, mais c'est ça, puis j'aimais beaucoup ton idée, donc j'ai décidé de m'investir là-dedans et de faire une chronique sur les manettes. Oh, génial! Les différentes manettes au fil du temps, et en même temps, ça va nous faire une historique un peu des jeux vidéo, des consoles. Okay. Donc ça, je trouve ça bien aussi, donc on va faire un petit peu un 2-en-1, mais on va s'attarder beaucoup sur les manettes que chacune des consoles nous a offert au fil du temps. Comme dit la publicité des palmarès, c'est fou, là. Tu fais ma semaine, manette. C'est pas ce que ça dit dans... Non, non presque, mais presque. Ouais, c'est un ça. Un syllabe près, mettons. Hein. Oh, on va faire un petit twist avec ça, ouais, c'est ça. Avec un vinyle, un effet de scratch comme dans la pub de Skype Punk. Pareil. Oh! On a quelque chose là. Hey, ça c'est bien ça. Mais faut pas voler le concept à quelqu'un d'autre. Non, jamais je fais ça. C'est jamais, pas grave. Jamais. Non, c'est ça. En fait, la chanson thème. Qu'on a entendu au début. Ouais, exact. Est-ce que t'es capable de me dire ça provient de quel genre de jeu vidéo? Là, faut que je fasse semblant pour savoir. Mettons un jeu de d'action, de rôle. D'aventure. C'est ce que tout le monde me dit, mais c'est tellement pas ça. Alors, ben, vas-y avec la réponse. C'est un jeu de golf. PGA Tour Golf sur la Mega Drive. Exact, un jeu de golf. Malade. Mais sans de me mettre à la place de celui qui a écrit la chanson, de me dire, hey, mon plus grand succès, je l'ai gaspillé pour un jeu de golf en 91. Ah ouais, je sais qu'on va la réentendre à la fin, mais j'ai envie de... Tu sais, quand même, là, il a investi son âme dans cette chanson-là. Là. Mais ça... C'est épique, je dirais. Oh yeah! C'est vraiment épique. Ouais. Pour un jeu de golf. Très bon. Mais oui! Mais j'imagine que les jeux de golf à l'époque devaient être tellement basic que. Ça prenait quelque chose pour. Mais celui-là, je considère que c'est le meilleur qui a été fait. Au niveau. Oui, ben c'est sûr que les graphiques sont mauvais. T'arrivais pas à différencier l'herbe longue de l'herbe courte. Bon, en tout cas. La balle de la tête du joueur. Ouais, c'est ça, exactement. Mais. Au niveau difficulté et au niveau réalisme, je trouve que quand même l'effet du vent, l'effet du terrain, tout ça, tout est bien pensé et c'est un jeu qui a un bon niveau de difficulté. Donc les pointages sont réalistes. On dirait qu'après ça, ils ont perdu un peu ce côté-là. Ça devient comme trop facile de frapper la balle correctement ou l'envoyer au bon endroit. Ou, ben c'est ça. Une bonne ronde de golf, c'est un moins 5, moins 6. Ouais. Dans les jeux récents, j'arrive à jouer des moins 18, moins 20. Ok. En une ronde, c'est pas normal. Non. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je vais faire semblant de comprendre ce que tu veux dire. Ouais, ben, les golfeurs vont comprendre. C'est bon. On se lance dans les manettes. OK, oui. Oui, donc, les gens, vous pouvez aller sur la page Facebook du Mathieu Plante Show. Okay. J'ai mis toutes les photos des manettes dont je vais parler dans l'ordre dans laquelle je vais aborder chacune des manettes. T'es un bon chroniqueur, Samuel Girard. Ben, c'est merci. Alors, on va pouvoir suivre ça. Évidemment, on va donner le descriptif des manettes pour ceux qui ne peuvent pas être là. Ça, ben, ils ne peuvent pas être sur Facebook en même temps. C'est ça. Si vous conduisez, c'est normal. à quand le Facebook disponible dans le dashboard qui va lui-même te décrire les manettes, vu que tu pourras pas le regarder. Ah oui, OK, commande vocale, ben oui. C'est ça, commande vocale. Photo numéro 1, et puis là, ça va te l'expliquer, pareil comme tu vas faire là. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, on va commencer. Magnavox Odyssey, une console de 1972, la toute première. C'est un bloc avec deux roulettes sur les côtés pour les déplacements horizontaux, verticaux. C'est comme un peu, ça me fait penser à un Etch-a-Sketch presque. De l'autre côté, parce qu'ils sont sur le ouais, côté, mais exact. Un fait l'horizontal et l'autre fait le vertical. Exactement. Il faut de la synchronisation des mentales et des mains du verbomoteur, de la psychomotrice. C'est en plein ça. Alors, c'est idéal pour jouer à Pong. Donc, on fait juste promener la roulette du déplacement vertical pour jouer avec les deux palettes qui frappent la balle. Donc, quand même pratique de ce côté-là. Sinon, la manette, je la trouve très mal faite. Vraiment, avec un contreplaqué à l'avant, parfaitement station wagon. Oui. Dans les films de genre les Griswold, là, tu sais, qu'il y avait une station wagon en bois. C'est t'as tellement raison. Ça ressemble à ça. Exact. Donc, c'est ça, mais c'était la première console. Donc, faut quand même le donner. Oui. C'est les premiers essais qu'ils faisaient. Il n'y avait jamais eu de manette avant, donc il fallait qu'ils inventent eux-mêmes un concept de manette, si c'est on veut. C'est ça. Sinon, c'était des arcades. Oui, c'est ça, des joysticks et tout. Il y a un bouton reset. Oui. Donc, on l'avait pas sur la console, on l'avait sur la manette. Cool. C'est ça. Mais là, on va aller vers le Magnavox Odyssey 2, parce qu'ils ont fait une deuxième console. Et là, je trouve la manette beaucoup mieux. C'est la deuxième photo? Exactement. Okay. Donc, on y va dans l'ordre. Parfait. J'ai essayé de mettre ça dans la même ordre que moi, je les ai présentés sur ma feuille. C'est bon. Ouais, j'ai l'expérience des Facebook et des fois avec ma co-animatrice à l'assemblage hockey, des fois, l'ordre se perd. Mais je pense qu'on suit là. Ben, je me suis assuré que l'ordre soit respecté. Cool. Donc, je pense que c'est correct. Génial. Donc, c'est ça. Donc, c'est une manette. Encore une fois, c'est carré. On a un petit joystick au centre. Ouais. J'ai essayé de trouver joystick en français. Et c'est joystick. Oui, un joystick. Ouais. Donc, bâton de commande des fois, mais rarement. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air qu'on peut dire joystick. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le joystick est court. C'est peut-être la partie de la misère, mais on a accès au bas, diagonale, gauche-droite assez facilement. Donc, ça, c'est une force de cette manette-là. Je l'ai essayé. Et le problème, c'est que le bouton, il est pas près du joystick. Il est plus loin en haut. En haut, à gauche complètement, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être la petite faiblesse au niveau de la manette, mais encore là, on peut y aller avec notre autre main. Donc, on contrôle qu'une, et avec notre autre main, on place notre pouce vis-à-vis le bouton. Mais pour une manette comme celle-là, tu t'attendrais à pouvoir l'utiliser avec une main plus facilement. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est la tienne? Les photos que prennent de Google, mais j'aurais pu prendre des photos de mes manettes parce que j'ai. Je la trouvais rouillée, ta manette. Fait que j'aurais commenté sur le fait que ta manette était rouillée, tu sais. Les miennes sont plus belles que ça. ouais, parce que je vais éviter les blagues de le joystick rouillé. Oh. Je pense que c'est pas bâton, c'est genre bâtonnet ou levier de commande, il me semble qu'on entend des fois. En tout ou cas, manivelle. Bref, manivelle, je sais pas. J'ai vu manivelle, moi. Le sens, la partie qu'on promène, c'est la manivelle, mais c'est une partie du joystick. Ouais. Et non l'ensemble. Mm-hmm. C'est ça. La prochaine, donc là c'était Magnavox 2, 1979, mais là je vais revenir un petit peu en arrière, 77, parce que je vais commencer avec la vraie première génération qui a vraiment été grand public. Okay. Donc, Atari 2600. Donc encore une fois, c'est très semblable. Donc la manette est un peu plus petite. Okay. On a encore le joystick au centre et le bouton en haut à gauche. Là, c'est un gros joystick. Là. C'est vraiment rendu comme un guidon de vélo. Là, ça se tient bien dans la paume de la main au complet. Donc ça, c'est un avantage comparé au Magnavox Odyssey 2. Donc ça, c'est bien là-dessus. Ensuite, donc là, dans cette période-là aussi, Intellivision 1980, qui a voulu compétitionner. On dirait une télécommande de télévision. Vraiment. Oui. Mélangé avec un vieux téléphone touchstone, exact. Là, tu sais. Exactement. Ouais. Donc là, on glisse un papier dans la manette. Ah, okay. Et ça nous dit sur quel bouton appuyer pour faire des commandes précises dans le jeu. Ah! Donc, c'est à ça que ça sert. Et là, l'espèce de bouton, là, c'est dommage parce que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas joué à mon télévision. Je me rappelle plus, est-ce que c'est juste un bouton ou est-ce que c'est les flèches gauche-droite au bas, dépendant où est-ce qu'on appuie sur le bouton? On voit comme un disque blanc en bas de la manette et peut-être qu'il y aurait différentes surfaces, différents points de pression sur le bouton. Exactement. Peut-être, okay. Mais là, c'est plate, j'aurais voulu l'essayer, mais hier soir j'ai manqué un peu de temps pour ressortir chacune de mes consoles, me rappeler les... Mais c'est ça, donc c'est soit les flèches vont être les numéros. Donc, on va prendre exemple les numéros 2, 8, 4 et 6. Parce qu'il y a vraiment un cadran de téléphone là, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis clear, 0 et enter. Ouais, c'est ça. Donc, c'est soit ça pour les flèches, ou sinon, c'est différents points de pression sur le bouton. Okay. Ou sinon, c'est vraiment un bouton action qu'on utilise dans plein de jeux. Ouais. Donc, on pouvait changer la petite feuille, comme tu disais, pour avoir d'autres options dessus. Les numéros que tu pouvais changer, donc ça chaque ça jeu a sa feuille. Okay, ouais, chaque jeu a sa feuille différente qu'on insère. C'est bon. Donc, dépendant, les actions vont varier selon le jeu. Okay. La prochaine, ColecoVision 1982, c'est encore la même manette. Oui. OK, sauf que là, le bouton est sorti. Oui. Donc là, c'est vraiment un joystick qu'on peut pousser au bas, gauche, droite. La pour même faire forme. Des en même petit forme. Disque, le rond bizarre. C'est ça. Except que là, c'est sorti de la manette. Oui. Mais il est très, très rigide. Il est difficile à bouger. Okay. Donc, ça donne un peu mal aux pouces après peu de temps de jeu. Ah ouais. Et t'as des gâchettes sur le côté aussi de la manette, celle-là. Oui, mais j'ai jamais vu un jeu qui s'en servait. Ah, pour vrai? Donc, okay. c'est soit j'ai pas assez joué de jeu ou vraiment ça sert à rien parce que ils ont mis ça juste au cas où un concepteur de jeu en aurait besoin, ouais. Puis c'est pas arrivé. Et lui, tantôt, l'autre avait un cadran de téléphone parce que c'est la feuille de papier. Celui-là, un cadran de téléphone, mais c'est la seule chose que tu peux faire avec. Tu peux pas c'est changer ça, on peut pas de mettre de quoi que ce soit. Et ils ont imité encore plus le téléphone en rajoutant étoile en bas à gauche et carré, dièse ou peu importe, le petit tacto en bas à droite. Oui, ça, assez que je me demande s'il y avait pas d'autres fonctions pour ce type de manette-là. Exemple, de vraiment l'utiliser comme manette de télévision. Peut-être. S'il voulait pas peut-être combiner des choses comme ça, c'est peut-être pour ça que ça a été pensé comme ça. Ça aurait du sens. Ouais, mais j'étais pas né à l'époque, donc c'est difficile de voir, de me rappeler comment que c'était. C'est en quelle année, ça? Là, on est 1982. J'étais pas encore né, moi, non plus. Hey, pour une fois, je peux dire ça. Pour une fois, je peux dire ça. Ben, on s'en vient dans les plus récents. Ouais. Le 1982, encore une fois, le Vectrex. Okay. Ça, j'en ai parlé de la manette oui. dans une chronique précédente. On t'a vu en jouer sur une vidéo sur la page Facebook. Exactement. Donc là, c'est qu'on revient avec un tout petit joystick qui fait mal aux pouces et qu'on a de la misère à faire des diagonales. Oui, vraiment. Et là, c'est quatre boutons alignés un à côté de l'autre. Donc, c'est un peu difficile vu l'espace entre chacun. Mais sinon, c'est la première manette avec quatre boutons. Donc pas juste un bouton et là on peut je te dirais que c'est très pratique pour le type de jeu qu'il y a au Vectrex ouais. Et encore une fois le fil tire-bouchonné oui, pour exact. Brancher dans la console pour avoir plus de lousse sur ton fil c'est bien ça ben j'ai encore ça c'est sur un... mes écouteurs c'est les meilleures sortes de fils ben oui c'est un art qui s'est perdu on dirait oui. Aïe, aïe, aïe. Et là, évidemment, la dernière manette qui fait téléphone, ça va être la Atari 5200. Wow, c'est coloré. 1982. Ouais. Les boutons, les chiffres jaunes, encore une fois, les gâchettes rouges. Ouais. Et là, c'est un joystick un peu étrange. Donc, c'est ça, on peut promener encore dans toutes les directions. On dirait un peu plus court que les autres joysticks qui nous étaient offerts pour la console précédente d'Atari. Mais on dirait qu'eux autres, c'était ça le progrès qu'ils ont fait entre les deux versions. Et t'as l'air de pouvoir prendre le joystick par le contour, comme on fait avec un joystick normal. Et aussi, oui. Il a l'air d'avoir un petit creux sur le dessus du bouton, donc tu vas pouvoir le prendre par ton pouce aussi, le joystick, un petit peu. Ben, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il était mieux pensé à ce niveau-là. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, 1983, il y a le crash de l'industrie des jeux vidéo. Ben oui. Et là, on repart avec une nouvelle génération. Et là, on y va avec le Nintendo NES 1985. Mais dis-moi en plus sur ce NES. ouais, c'est ça. Donc là, ça, presque tout le monde connaît cette manette-là. Donc la fameuse manette rectangle avec les quatre flèches, le bouton Start, Select et les boutons rouges AB. Mm-hmm. Donc ça, c'est notre premier modèle vraiment de manette qu'on avait, avec lequel on était à l'aise de bien jouer, de bien tenir. Ouais. Même encore aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à prendre une manette de NES dans mes absolument mains et de pas jouer. Donc, alors que les manettes précédentes dont on a parlé, j'ai de la misère à les tenir dans mes mains et être confortable pour jouer. Ça n'avait pas été tellement réfléchi. La manette de la NES était parfaite pour jouer à un jeu vidéo obscur nommé Mario ou Mario, je pense que ça s'appelait. Oui, c'est ça. Brosseuse, je pense, oui. Ouais. Donc, c'est une Mario qui est sa brosse. Mario Bros. C'est ça. Exactement. Oui, exactement. Ok, je comprends. Faut que tu le dises vite. Mario Bros. Ok, parfait. Exact. Je comprends. Donc, c'est ça. Évidemment, à cette époque-là, on veut tout le temps faire de la compétition aux compagnies. Oui. Donc, ça s'est pas arrêté au Nintendo. Il y a deux autres joueurs qui ont décidé qu'ils s'en mêlaient. Player 2, Player 3. Ouais, c'est ça. Donc, Atari, après le crash, a essayé de se relancer dans la business, si on veut, avec la Atari 7800. Je trouve la manette affreuse. C'est vraiment bizarre, hein? Comment tu fais pour te servir de ça? On dirait une pédale dans un auto. C'est une pédale avec un joystick sur le dessus. Ouais, j'aime bien ton image. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on dirait qu'on pouvait mieux fermer la main dessus, la tenir comme un bâton. Et là, le joystick, je sais pas trop comment... Le joystick, c'est comme un bouchon de bouteille de liqueur. Oui. Sur un petit bâton à peine genre de la grosseur d'une... Je sais pas, de... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une paille. Ça semblait qu'est-ce que j'allais dire. Voilà, une paille, ben oui, avec un bouchon de liqueur dessus. Ça a du sens, ça a du sens. Ça a du sens, Et on dirait un CB aussi par moment, parce que t'as un bouton rouge sur le côté, on dirait que tu dois parler à quelqu'un. T'sais. Oh! Un CB, tu te rappelles ça? Oui, oui. Oui. C'est vieux, mais... Ouais, c'est ça, j'étais pas sûr. Donc c'est ça, ça a pas marché. L'Atari 7800, ça n'a pas marché. Ouais. La prochaine qui a marché, celle-là, on connaît beaucoup mieux ça. Donc, la première console de Sega, le Master System. Oui. La manette très, très similaire à celle du Nintendo NES. Donc, deux boutons. Donc, eux autres, ils ont numéroté 1, 2 au lieu de A et B. Et les flèches, ils ont décidé de faire un carré. Donc, ils fonctionnent moins bien que le NES, je te dirais. Donc, il y a des diagonales, par contre, comparé au NES, qui a des diagonales fakées un peu, mais lui, c'est vraiment dans les coins. Donc, pour les diagonales, c'est un avantage. Pour le reste, c'est un désavantage. J'aime mieux les quatre flèches distinctes. OK, oui, moi aussi, j'aime bien les quatre. Je trouve que ça se joue mieux. C'est comme un pavé, genre, si on veut, de contrôle. Et le bouton 1 sert aussi à start. Hein. Tu as vu que c'est des boutons à double fonction. Un start. Oui, effectivement. Et deux. Effectivement. C'est écran petit. Ouais, moi, sur mon téléphone cellulaire, je l'ai beaucoup plus petit que toi sur l'ordinateur. C'est ça. Mais on se comprend. Et c'est marqué Control Pad dessus parce que c'est vraiment, faut que tu écrives que c'est une manette. Sinon, on comprendra pas que c'est une manette. Ouais, c'est ça. Il y en a qui peuvent s'en servir comme article de guerre. Ben, c'est ça. Voilà, parce que ça doit être assez pesant. Ça ressemble à un vieux. Non, c'est très léger. Ah oui, pour vrai? Oui. Ah, ça doit être plastique cheap pas mal. Mais ça me fait penser à tout ce qui est années 80. Tu sais, les chaînes stéréo dans le temps. Oui. Avec ce genre de look gris. Gris plate, noir, vraiment juste boring, c'était vraiment plate. Les coins très très carrés, il n'y a effectivement pas grand courbe là-dedans, mettons. Ouais. Ouh. Hey, c'est mon mix de chiptune derrière. J'adore ça. C'est bon. J'adore ça. Celle-là fait un peu buzzer, là, mais c'est j'aime ça. C'est vrai? Oui. Pour moi qui est habitué de compter de la musique, là, celle-là elle me fait tiquer un peu. Ah, oui, ok. Oui, mais c'est correct, c'est bon. Okay. Ça dérange pas dans ce temps-là. donc, c'est ça, la prochaine manette que je suis rendu. Donc là, c'était le. Ok, c'est ça. Donc là, on change de génération. Oui. Donc là, on est rendu dans une autre génération. Donc là, c'est les consoles 8 bits. Et là, on s'en va vers le 16 bits. Ouais. Donc, on va commencer par le Turbo Graphics 16 1989. Évidemment, je vous donne les sorties nord-américaines. Oui. Pour les dates, là, parce qu'il y a des consoles que des fois, c'est sorti un an avant au Japon, mais j'y étais avec nord-américain. Avec les années où vous avez peut-être eu la chance de jouer à ces consoles. Exactement. Vous-même. Moi, je sais que j'ai eu un peu la chance de jouer à celle-là, mais c'est tellement loin dans ma mémoire. Turbo Graphics 16. Hein. Ouais, c'est ça. Vieux. J'en ai un, je suis content. Ah, cool, chanceux. Oui. Donc, c'est ça. Donc, TurboGrafx-16, c'est la compagnie qui a décidé de venir faire compétition à Nintendo et Sega. OK, donc, ils se sont donné un lourd mandat. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Non, sinon, on se rappellerait d'eux. Et c'est ça, exactement. Donc, 1989, la manette, encore inspirée de la génération précédente, donc deux boutons avec les flèches. Donc, la manette est très bien faite, fonctionne bien. Ça, c'est un avantage sur lequel il fallait bâtir pour vendre cette console-là. Et il y a même des petites switches au-dessus des boutons. Et là, je les ai jamais essayé. Okay. Mais je me demande, est-ce que c'est pour l'intensité de comment qu'on pèse ou est-ce que c'est pour la répétabilité? Moi, je pense que ce serait sûrement des boutons turbo. Les manettes de Nintendo avaient souvent des boutons turbo quand tu les achètes de d'autres compagnies. Et tu pouvais faire que quand tu appuies sur A une fois, ça va peser sans cesse ou quelque chose comme ça jusqu'à temps que tu arrêtes. Ben, j'ai l'impression que c'est pas ça, mais plus le jeu accepte combien de fois que tu pèses par... Okay. Laps de temps, exemple. Ça pourrait être ça. Donc, c'est peut-être plus ça. Mais t'as vu que les boutons A et B chez Nintendo, t'avais 1 et 2 chez Sega, et là, ça, c'est deux petites barres et une petite barre. Ouais, les chiffres romains. C'est bizarre, ça. Ouais. Et 2 est à gauche. Oui. 1 est à droite. Oui. Étrange. Et t'as pas Start, t'as Run. C'est Select et Run à la place de Select et Start. Ah, ben, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Turbo Graphics. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour runner le jeu. Voilà. C'est au lieu de le starter, tu le run. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, prochaine console très connue, le Sega Genesis 1989. Deux manettes, eux, qui nous ont proposé. La première que j'aime bien avec les trois boutons, le bouton Start au-dessus. Oui. Et la façon dont les flèches sont faites, les diagonales, j'ai trouvé ça très bien fait comparé à la génération précédente. Parce que c'était vraiment des flèches individuelles, sauf que tu avais aussi un rond autour, si on veut, mais exact. Dans la flèche, qui servait de diagonale. Très bien fait, t'avais la particularité de pouvoir appuyer sur des touches de flèches. Oui. Tout en ayant la flexibilité des angles aussi. Exactement. Donc ça, c'est très, très, très bon coup de Sega à l'époque. Et là, pour certains jeux, trois boutons, c'était pas assez. Ils nous ont proposé une autre manette avec six boutons et à la belle, place. Celle-là est tellement belle. Mais je l'aime moins. Ah, OK. Il brise plus facilement et les boutons sont plus petits. Mais sa forme est cute. Oui, sa forme, par exemple, très bien réussie. Mais pour la jouabilité... Ouais. Si je peux dire ça comme ça, je trouvais que l'autre était plus pratique. A, B, C, X, Y, Z, les boutons. Exact. Donc, quand que je joue avec un jeu que je sais que j'ai seulement besoin des trois premiers boutons, je prends l'autre. Ouais. J'ai les deux chez moi. OK. Et ils se branchent les deux dans le même système parce que c'est de la même génération. C'est ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Et finalement, la dernière console de cette génération-là, le Super Nintendo. Ah, wow. Et en plus, t'as le modèle européen. Hein, oui. Sur ta photo avec les boutons vert, couleur, bleu, jaune et rouge. Ce qu'on n'avait pas eu en Amérique du Nord. Exact. Je trouvais plus belle, fait que j'ai décidé de mettre celle-là comme photo. Oui, et vous avez vu que que récemment sur les new 3, Nintendo 3DS qui vient de sortir, la nouvelle 3DS, ils ont pris les mêmes couleurs que sur la Super Nintendo pour les boutons. Ben, j'avais pas vu ça. Pour les boutons au Japon et seulement pour les lettres en Amérique du Nord, parce qu'on a juste le modèle Excel. Mais quand même, ça vient de là. Et nous, ici, on n'a jamais eu ces boutons-là, donc on comprend pas les références. Mais il y a tellement de mentions de ces couleurs-là dans les jeux au Super Nintendo. Il y avait plein d'exemples où t'avais le vert, bleu, jaune, rouge d'affichés quelque part que les gens ont commencé à associer ça au Super Nintendo. T'sais. Wow! C'est vraiment cool. Mais merci pour cette belle tranche d'histoire. Ça fait plaisir. Parce que, tu vois-tu, moi aussi, chez moi, j'ai les manettes normales. Donc. Ils sont plates, les manettes normales. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, ils permettent de jouer pareil. Oui, il fonctionne aussi bien. Oui. Donc ça, tout le monde la connaît. Excellente manette pour l'époque. Mm-hmm. Donc là, je vais vous amener vers des consoles obscures les prochaines. Donc c'est des consoles qui ont voulu essayer certaines choses. Ouais. Donc c'est ça, mais ça n'a pas marché. Au niveau de la console, les manettes peuvent être bien faites, par exemple. Si je prends exemple la Philips CDI qui a proposé deux types de manettes. Donc on en a une avec les quatre boutons pour reproduire le mode de jeu du Super Nintendo, et l'autre d'après qui est comme le Sega Genesis avec trois boutons. Ah ben oui, c'est pas pareil du tout ça. C'est ça, donc c'est les deux manettes qui fonctionnaient sur le Philips CDI. Mais c'est la première, celle avec les quatre boutons pour imiter le Super Nintendo. Elle ressemble étrangement à, tu sais, une power bar pour brancher tes affaires. Ah oui, tellement. On dirait pas une manette de jeu. Et en plus, elle est pareil comme la forme de la Super Nintendo, c'est-à-dire avec deux, si on veut, cercles rattachés par un rectangle. Sauf qu'un des cercles est décalé vers le haut et l'autre exact. Vers le bas. Et pourquoi? Parce qu'on accote notre paume de main droite en bas, et pour les flèches, souvent on accote nos doigts plus haut. C'est presque intelligent même, donc. Donc, eux, ils ont pensé à ça. Donc, vraiment. C'est ce que j'aime de la manette ici, mais la console est un flop total, donc ça donne absolument rien. Ouais. Et l'autre avait une bonne forme pour bien se tenir comme le Sega Genesis. Donc, ben, ça. L'autre était sur deux étages, deux paliers de manette. Oui. Donc, la même forme que la Sega Genesis, pour vous l'imaginer un petit peu, sauf que elle s'est séparée en deux paliers individuels avec vraiment comme un étage marqué où tu peux te pogner, j'imagine, après. Je comprends pas trop pourquoi, parce que la confortabilité de ces étages-là ne changera rien, vraiment. Je sais pas, eux autres, c'était peut-être juste pour faire différent. Pour le look. Des fois, il n'y a pas une raison ergonomique, mais juste pour faire différent, pour pas qu'elle ressemble trop à l'autre manette. Il devrait quasiment y avoir que des raisons ergonomiques dans les manettes, parce que c'est ça, tu regardes pas ta manette ou mais non. Mais pas dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, ça doit être le premier critère, mais dans le temps, ça devait pas être ça. Exact. La prochaine, la seule console qui n'a pas encore compris comment faire une manette, je parle ici de... Quoi? Atari Jaguar 1993. Alors, on est tous rendus avec des petites manettes, quelques boutons, des choses qui se tiennent bien. Et là, Atari Jaguar nous arrive avec une manette monstrueuse qui est le mélange entre la manette à 6 boutons du Sega Genesis et encore le fameux téléphone. Oui, pourquoi? Il y a des petites touches, un peu comme les Start Select, c'était des petits boutons exact. En caoutchouc horizontaux. Mais il y en a 12! Il y en a 12! Allô? On dirait quelque chose que tu mettrais pour te masser dans le dos tellement c'est énorme cette histoire-là, ça n'a pas d'allure. Exact, et crois-le ou non, après le flop du Atari 7800 et du Atari Jaguar 1993, on n'a plus rien vu d'Atari après... C'est fini, là. Ils ont compris leur leçon. Ben, il y a la Atari, sais-tu, la Atari Lynx, la console portative d'Atari? Ben, je pense que oui. Mais je pense après ça, c'est tout. C'est ça. Donc, c'est ça. J'avais aussi le Sega CD 1992, mais on fait juste rajouter ça au Sega Genesis. Donc, c'est la même manette. Pas de changement. Okay. Et j'ai le Sega 32X aussi, 1994, où ça aussi, on rajoute ça au Sega Genesis. Alors ça aussi, c'est la même manette encore. Parfait. Et ils ont juste rajouté ça pour faire compétition un petit peu avec les consoles CD qui commençaient, donc le Philips CDI, la Atari Jaguar, c'est CD. Donc pour compétitionner avec ça, ils ont rajouté ça. Et là, après ça, avec les jeux qui commençaient à 32 bits, ben là, Sega a rajouté le Sega 32X qu'on mettait par-dessus le Sega Genesis pour jouer des jeux 32 bits. Ah ouais, OK. Donc, ils ont tous mis ça dans la même console. Ça a pas été beau, ça a pas super marché, mais ils ont essayé quelque chose. Faut toujours essayer quelque chose. C'est ça. La dernière console qui a essayé de percer le marché, c'est la Panasonic 3DO. Alors, c'est la prochaine manette sur ma liste. Mm-hmm. Alors, évidemment... fonctionne très bien comme manette, la forme est agréable et c'est les premières gâchettes qui apparaissent sur le dessus. Ah ben oui, j'avais même pas marqué les gâchettes LR un peu comme on exact. Appelle de nos jours. Donc on a les trois boutons comme le Sega Genesis, ABC. On a fait encore le Start Select. Qui est Stop et Play Pause à la place. C'est ça, exactement. Les symboles de cinéma maison de VHS. Oui, donc pour moi ça devait lire des films probablement ou des CD quelque moins chose. De la musique. Est-ce que t'as vu qu'il y avait une prise écouteur et un bouton volume en oui, bas de la manette? Oui. Ça c'est impressionnant aussi. Là. Oui, donc rajouter des fonctionnalités à nos manettes de jeux vidéo, donc ça c'est bien pensé. Première gâchette, donc ça devait être utilisé dans certains jeux, mais la console coûtait trop cher, alors ça a pas marché. Bon. Ouais, donc c'est ça. Faut que je m'en trouve une de celle-là. Ouais. C'est une des rares consoles qui me manque dans la liste que je vous décris aujourd'hui. Et moi, j'ai l'avantage d'avoir des grandes photos, donc je peux vraiment te donner quelques petits facteurs additionnels que je trouve vraiment cool. Vas-y. Mais as-tu remarqué que le bouton B a un point dessus, donc tu peux te replacer, te repérer facilement, même si tu joues dans le noir. C'est bien raison. Le bouton B a un point, donc A est à gauche du point et C est à droite du point. Tu peux jouer sans avoir à regarder ta manette. C'est cool, ça. J'avoue que c'est très bien pensé. C'est comme les boutons, c'est quoi? C'est F et J qui ont des petites barres sur les claviers pour que tu saches où tu mets tes mains. Exact. C'est pratique, ça. Ben, le Sega Genesis, les lettres étaient gravées dans le bouton. Quasiment mieux encore. Ça aussi, tu te retrouves assez facilement quand que tu regardes pas ta manette. Ouais. Donc ça, c'est bien là-dessus. Donc là, ça, c'est les consoles qui ont essayé de percer à l'époque, dans le milieu des années 90. Ben, milieu années 90, je vais finir par le dire comme du monde. Et là, on entre dans une nouvelle génération. Là, c'est le CD-ROM. Alors, j'y vais en 95 avec le PlayStation 1. La manette de PlayStation avec le X, cercle, triangle et carré qui se joue très bien. Oui. Il y a les fameuses 4 petites flèches que j'aime bien aussi. Et les 4 petites flèches qui sont en fait 4 boutons indépendants à la place d'une croix comme d'habitude où tu peux facilement, sur une croix, transitionner d'un bouton à l'autre. Là, il fallait vraiment qu'il y avait comme un milieu où tu n'avais pas de pression de bouton d'exécuter à ce moment-là. Exact. Mais quand tu avais des commandes précises à faire, c'était mieux avec ça. OK. J'ai moins d'expérience avec la PlayStation. Par exemple, les jeux de combo où tu as des combinaisons à faire, c'est plus facile avec des boutons distincts. Okay. Tandis que quand on avait toutes les flèches qu'on pouvait transitionner d'un à l'autre, ça arrivait souvent qu'on appuyait sans faire par exprès sur un diagonal ou la mauvaise flèche, donc on ratait. Ah. Mortal Kombat était dur avec ça. Je comprends. Est-ce qu'il y avait déjà 4 gâchettes sur la PlayStation 1? Je pense que oui. Je pense que oui, il me semble aussi. Oui, mais de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas joué PlayStation 1. Surtout avec la compatibilité des jeux sur PlayStation 2, PlayStation 3. Des fois, on ressort moins la première. Mais je crois que oui. Ensuite, on y va encore avec la guerre du CD-ROM, le Sega Saturn. Oh oui. La manette est vraiment belle. Oui, c'est un peu la même chose que l'ancienne Genesis à 6 boutons. C'est ça. Donc, la forme a changé un petit peu. Il y a des gâchettes sur le dessus. Et les boutons sont un petit peu mieux placés. Au lieu d'être une diagonale, c'est plus un arc. Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est ça. Il y a encore les lettres gravées dedans. Je trouve ça merveilleux. Ouais. La manette se tient très bien, la sensibilité est bonne. J'aime beaucoup jouer au Sega Saturn. C'est bien ça. Ouais, et je manque juste de jeux par exemple pour l'instant. Ok. Donc c'est ça. Ensuite, 1995, la Nintendo Virtual Boy avec une manette affreuse. Arrête donc. C'est vrai qu'elle est pas super belle, mais elle a l'air très confortable. C'est un peu comme une manette, j'irais de. Presque de GameCube. Plus récemment, je pense que la GameCube était un petit peu inspirée du Virtual Boy pour les deux grosses manettes, si poignée, on veut qu'on tient poignée. Et t'as deux croix de direction et un bouton AB et un Start Select. Exact. Les croix, c'est pour pouvoir jouer pour les gauchers, droitiers, ou j'imagine. Non, je pense que dans les jeux, on pouvait se servir des deux au même titre qu'on a des flèches et un joystick pour les jeux récents aujourd'hui. Ou une caméra, peut-être. Ouais, c'est ça. Okay. Donc c'est ça, évidemment la console a été un gros flop. Oui, et là faut penser qu'on tient la manette de même, mais on a la face dans les lunettes. C'est ça, et en plus c'est dans des lunettes qu'on doit mettre sur une table. Donc ça se dit une console portable, parce qu'en effet faut que t'aies une table. C'est ça, mais pas vraiment. Non. C'est pas au même titre qu'un Game Boy, donc c'est pas si portable que ça. Non, mais ils l'ont appelé Virtual Boy sûrement en l'honneur du Game Boy. Donc c'est supposé être un petit peu plus portable. Et c'est ça. Tu peux le faire, mais ça va être plus compliqué. J'ai regardé des vidéos depuis quelques temps, il y a quelqu'un, c'est la chaîne de Nintendo Life, je pense, .com, qui poste des vidéos de Virtual Boy en 3D que tu peux aller visiter via ton 3DS. OK. Et regarder les vidéos du Virtual Boy en 3D. Ben c'est vraiment très cool. Ben oui. Essayez-le, juste pour essayer la tranche d'histoire qui est le Virtual Boy. Il n'y a pas grand jeu pareil, fait que vous allez faire le tour assez vite. Ouais, j'ai la console de Virtual Boy et j'ai. Je pense qu'il me manque juste 3 jeux. Incroyable. Pour compléter le tout. Je vais essayer de les trouver bientôt, avoir l'ensemble. C'est vraiment cool, mais comme je vois pas le 3D en général dans la vie, jamais, ni au cinéma, ni dans un jeu vidéo, je vois pas comment je pourrais jouer à ça. Malheureusement, j'aimerais ça jouer au Virtual Boy. Mais il n'y a pas de 3D. C'est du 2D. Il essaie juste de te donner un effet de profondeur avec en plaçant les lignes en angle. C'est tout. Il n'y a pas de 3D. Ok. T'as pas une image avancée par rapport à l'autre, alors que ça devait être ça à l'origine. Ils ont raté leur coup. Ah, ok. C'est ça. Donc, t'en verras pas. Finalement, quelle console qui a décidé d'aller à contre-courant et qui a très, très bien réussi, c'est le Nintendo 64, alors que tout le monde passe au CD-ROM. Oui. Nintendo 64 en 96, vous arrivez avec une console cassette. Aucun temps de chargement. Aucun temps de chargement, des jeux fantastiques. Pas de graffinure sur tes... C'est ça, des graphiques quand même très bons si on compare au CD-ROM. Oui. Alors, très bien réussi. La manette, je la trouve excellente. Au lieu de faire les jeux en fonction de la manette, ils ont fait la manette en fonction du premier jeu, Super Mario 64. Alors, Ça, c'est merveilleux. Tous les autres jeux ont suivi avec cette tendance-là. Il y avait déjà beaucoup de fonctions qui avaient été pensées pour les jeux à l'époque. Même la manette dont on pouvait les jouer. Avec une gâchette derrière pour tirer dans les jeux de tir, une gâchette derrière la manette, c'était parfait comme idée. Mais oui. Si c'était pas du joystick qui casse tout le temps, ce serait la manette parfaite, je pense. Ouais. J'ai réglé le problème, moi, je me suis acheté des joysticks de GameCube. Ah oui, ben oui. C'est ça, il est adapté. Plus confortable en plus. Beaucoup plus confortable, il brise pas. Le seul problème, c'est que la sensibilité est pas très bonne. Ah ok. Quand que je joue à un jeu de tir, eh ben là, t'essayes de viser, puis ça se promène beaucoup trop rapidement. Donc ça, c'est peut-être le seul désavantage, mais je me suis gardé des manettes avec les anciens joysticks pour jouer à ces jeux-là. Ouais. Mais sinon, des jeux qu'on n'a pas besoin de précision, exemple Mario Kart, Mario Party, ces choses-là que tu es habitué de jouer de toute façon, ça va merveilleusement bien, puis il n'y a personne qui brise mes manettes, même ceux qui ont le pouce fort sur le joystick. Ouais. Donc ça, je trouve ça bien. Et manettes à trois branches qu'on pouvait choisir le bord où la prendre, et je trouve qu'ils ont encore plus amélioré la Nintendo 64 plus tard avec la GameCube, comme je t'ai parlé tantôt, parce que là, c'était 4 boutons de caméra, 4 boutons individuels, qui ont été remplacés plus tard par un deuxième joystick de caméra, ce que je trouvais être une bonne idée. Exactement, puis on va y arriver. Parce on se rend jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qu'on se rendait aujourd'hui. Je veux qu'on discute jusqu'au bout. Okay. Donc c'est ça, l'autre génération d'après. Donc on approche l'année 2000, donc 1999, le Sega Dreamcast, la console qui a mis un terme aux consoles de Sega, ça a été la mort. Donc la manette, elle a une forme bizarre, j'aime pas le fil qui commence par en avant. Ah, c'est la pire affaire, ça. C'est ça, mais à cause de la carte mémoire interactive qu'on pouvait mettre dedans, il n'y avait pas de place en arrière. Donc comme le fil vers toi, finalement. C'est ça, exactement. Donc là, c'est ça. Donc, c'est un petit problème, mais c'est bien compensé avec les cartes mémoire. Est-ce que tu joues encore? Est-ce que tu as réessayé récemment les jeux dans les cartes mémoire? Pas dans les cartes mémoire, mais je joue régulièrement au Dreamcast. Okay. Pour moi, c'est encore la console parfaite pour le CD-ROM. Là. Ouais. C'est très similaire au Nintendo 64 au niveau graphique, au niveau des jeux. Mais en plus là, c'est une très bonne console qui est quand même performante. Cool. Donc ça, j'aime bien ça. Ensuite, on va s'en aller au PlayStation 2 en 2000. Mm-hmm. Manette qui a pas vraiment changé par rapport à PlayStation 1. PlayStation n'est pas très bon pour améliorer leur manette. Ils ont juste rajouté deux joysticks entre les quatre flèches et les boutons X, cercle, triangle, carré. C'était nécessaire, je trouvais. Les deux joysticks qui ont vraiment changé la façon qu'on joue à des jeux sur PlayStation. Exactement. Donc ça, c'était comme je dis, c'était bien. Mais le reste de la manette est identique. On va y aller avec le GameCube en 2001. Donc, comme tu disais, avec le joystick caméra, les boutons AB, après ça, c'est XY, je crois. Après ça, les gâchettes, le Z qui est juste à côté de la gâchette à droite. Je l'aime moins, le Z, à cet endroit-là, mais c'est peut-être juste parce que j'ai pas assez joué au GameCube. Moi aussi, je trouve que c'est pas le meilleur endroit pour mettre la gâchette de tir, parce que t'as les gâchettes analogues, donc les gâchettes avec des creux de doigts là, qui détectent la pression, vraiment le degré de la pression, alors que le Z, c'est seulement un bouton en tant que tel, y a pas de pression. Mais je trouve que c'est vraiment comme... ça a culminé à ça. C'est la manette, le prototype parfait de la manette de Nintendo, tellement qu'aujourd'hui, ils la vendent encore. Oui, exactement. C'est... Donc, je pense que elle se branche dans la Wii, ça se peut-tu? Elle se branche dans un adaptateur USB pour la Wii U. OK, bon. Mais elle se branche aussi dans la Wii, les premiers modèles. Pas les modèles les plus récents que tu peux t'acheter neuf en ce moment, la Wii, avec des jeux gratuits dedans. Mais la première Wii, celle qui jouait les jeux de GameCube, avait encore les ports manettes. C'est bon, ils les ont enlevés après. Moi, je viens de m'acheter une Wii, donc j'étais un petit peu en retard. Je crois que c'est le modèle avec les GameCube que tu me disais, il me semble. Ça se peut. Ça se peut très bien. Celle qui se met debout à les ports GameCube, celle à l'horizontale, les a pas. OK, excellent. Merci de l'info. Je trouve la manette se tient très bien. Donc, très bien réussi la manette de GameCube, j'ai rien à dire là-dessus. Et eux ont mis le joystick à la place des flèches directionnelles et la flèche directionnelle à la place du joystick parce que l'endroit, c'est là que tu veux contrôler ton jeu. Exactement, ça a été très bien pensé, t'as raison, j'avais oublié de le dire, mais c'est en plein ça. Ensuite, la première Xbox. Ah, la grosse manette là. Oui, en 2001, j'aime pas cette manette là, c'était trop épaisse. Ouais. Donc c'est ça, mais sinon le positionnement des boutons est excellent. J'avais un petit peu de la misère avec les boutons blancs et noirs. Je trouvais que leur position était un peu bizarre. Ils sont enfoncés un peu. Oui, aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais ça a été rapidement corrigé. Donc, si on regarde la prochaine photo, c'est immédiatement la Xbox 360. Oui. Donc, Xbox était les derniers à sortir leur console dans la première génération des nouvelles consoles en 2000. Et après ça, ils ont été les premiers à sortir la 360 en 2005 dans la nouvelle génération. C'est vrai, ils sont tout le temps à l'avant-garde. Oui, ben, pas tout le temps une bonne affaire. Là, pas surtout. Donc, cette manette-là, un peu plus mince, je trouve qu'elle se tient mieux. Et là, les boutons noirs et blancs, ils les ont amenés en haut à côté des gâchettes. Donc, ça, je trouve ça très bien. Donc, ils ont amélioré cet aspect-là. Mais sinon, la manette ne change pas tant que ça. Pas vraiment. Mais ceux qui se rappellent avoir joué à la Xbox d'origine, vous n'avez probablement pas eu la grosse version parce qu'elle avait fait la même manette que la Xbox d'origine, mais en plus petit pour les. Oui, c'est vrai. Donc, entre les deux, il y avait ça. Mais quand même, 360, encore, je pense, la meilleure manette de ce type-là qui existe en ce moment. Oui, exact. Ouais. Ensuite, PlayStation 3 en 2006, la manette est identique à PlayStation 2. Pareil. Donc, encore là, ils ont dit, oh, on a une formule gagnante, on garde ça. Ils ont fait enlever le bouton analogue que j'ai jamais vraiment compris à quoi il sert. J'imagine que les fans de PlayStation s'en servent souvent, mais moi, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on s'en va avec la Wii. Donc, évidemment, moi, j'aime tellement pas le fameux bloc. Non, une chance qu'ils ont fait l'autre manette après. Que j'ai amené aussi l'image. Ah, ça, je l'ai. Oui, ça, c'est fantastique. C'est la manette, je me rappelle pas, ils ont tant des noms bizarres de Nintendo, la Pro Controller ou Classic Controller, bref. Mais c'est comme une manette de Wii, de Super Nintendo, excuse-moi, avec des embranchements un peu comme la GameCube, donc la tenir dans ses mains. Deux joysticks dans le milieu, les XYBA, puis deux gâchettes de chaque bord. Fait quatre c'est gâchettes. Ça. Donc, à moins que ce soit de bouger la manette pour faire des mouvements, jouer à des jeux en appuyant sur les boutons A, 1, 2 ou c'est Z en arrière. Ouais, donc, ça, je trouve que ça va très très mal. Vraiment. Puis le pire, c'est que c'est encore la même manette de Wii, la manette de télé qu'on appelle, c'est la Wiimote qu'on appelle, ouais. Qui est encore utilisée sur la Wii U. Ils n'ont même pas fait de nouveaux modèles. Pourtant, c'est pas une bonne manette. Puis pour jouer à des jeux rétro en la tenant à l'horizontale, elle a un creux, la manette, fait que tu peux pas la poigner comme faut. Exactement. T'es sur la gâchette. Ah, j'ai ça. Ouais, non, c'est ça. Mais comme tu dis, une chance, ils ont fait l'autre manette. Ensuite, nouvelle génération. Donc là, c'est la génération actuelle qu'on est. Donc la Wii U en 2012. Donc là, c'est on dirait qu'on tient une console portative pour la manette. Mélangée avec une tablette. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et sinon, ils ont sorti aussi une manette similaire à qu'est-ce qu'ils avaient fait pour la Wii normale. Ça, c'est ma nouvelle préférée. Ça, c'est la Pro Controller de la Wii U en ce moment. C'est là. Ça. Elle est géniale. Je la trouve vraiment géniale, moi aussi. Ouais, j'adore. Donc ça, chapeau, ils ont bien arrangé les défauts de la précédente. Ouais. Ensuite, la Xbox One. Ah, donc là, 2013, identique à l'autre. Je préférais celle de la Xbox 360 visuellement. Oui, vrai, effectivement. Belle, mais sinon, au niveau de la tenue, tout ça, il n'y a pas beaucoup de changements qui ont été faits. Donc j'imagine qu'elle faisait l'affaire auprès des fans. C'est ça. Et des gros boutons de marron avec les lettres X, Y, A et B écrites beaucoup trop grosses. Oui! C'est dégueulasse, c'est kitsch. C'est affreux, ça. C'est vraiment laid. Désolé. T'as raison. Et finalement, la dernière, la PlayStation 4. Je trouve pas belle, elle, non plus. Oh, c'est vraiment pas beau. Non. C'est la même manette que les trois précédentes qu'on a montrées, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un écran au milieu. Et on l'a dit tout le reste. Oui, et là, on dirait que vu qu'elle est élargie, on dirait que là, tout d'un coup, elle est moins le fun à tenir. Elle est difforme. C'est oui. Pas qu'on aime pas les gens difformes. Encore une fois, c'est notre public cible. Mais vraiment, c'est affreux. Affreux. Alors voilà, donc je viens de faire l'historique des manettes. En même temps, j'ai fait un petit historique de console. On a analysé chacune, on a dit qu'est-ce qu'on pensait de chacune des manettes. Oui. Donc évidemment, moi je pense qu'il y a encore du progrès à faire pour obtenir une manette qui fait l'affaire de tout le monde. Mais l'important, c'est que vous trouviez votre console, votre manette, que vous êtes à l'aise. Regardez, moi je suis encore à l'aise super avec le Nintendo 64. Et pourtant, il y en a qui me disent qu'elle se tient mal, mais moi, c'est fait pour mon style de jeu. Pour tes mains. C'est ça. Puis allez sur la page Facebook et passez la galerie au complet. Puis une fois rendu à la fin avec la PlayStation 4, continuez encore. Puis revenez à la première du début, juste pour voir comment ça a évolué. Puis soyez satisfait de ce que vous c'est avez. C'est vrai que le clash est assez incroyable entre la première et la dernière. Vraiment. Donc, mais j'ai adoré ça, c'était parfait. Ça. Oui, ben c'est. Puis quand même une bonne petite demi-heure à passer en rafale toutes ces manettes-là. Du plaisir, comme oui, toujours. Merci de ce que t'as apporté aussi. Ça a vraiment bien été pour remplir tout ça d'informations pertinentes pour les gens qui écoutent. Mais c'est le fun de parler de choses quand je connais un petit peu plus le sujet que oui, Pokémon, c'est ça. Mettons. Ben oui, exact. Mais c'est ça, je me suis dit que tu devais avoir joué au moins quelques consoles là-dedans. Oui, une bonne partie quand c'est même. C'est ça. Sur les consoles que j'ai parlé, je pense qu'il m'en manque juste 5 à trouver. Oui. Wow. Le reste, je les ai toutes. Cool. Ouais. Sauf peut-être la dernière génération, ça, je vais attendre que les prix diminuent ben, un peu. C'est là, ça, mais mettons, si on allait les trois dernières, le reste, il m'en manque juste 5. Mm-hmm. C'est bien. Et là, oublie pas, je veux la chanson de golf, oui. Mais là, au complet. Au complet. Ça dure 1 minute et demie et je veux que ce soit épique. La même qu'au début. Attention. sauter dans les chroniques d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. C'est froid dans le dos, là. Salut Samuel Girard. Hey, bonjour. Joyeux Halloween. Oui. Donc, la semaine prochaine, j'ai pas ma chronique. L'autre d'après tombe après l'Halloween. Ouais. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on parle de l'Halloween. C'est maintenant ou jamais. Très simple. J'ai décidé de raconter deux petites histoires. Okay, comme autour d'un feu. Exactement. Autour d'un feu. C'est le temps, là, avec l'automne. Mm-hmm. Sur le bord du bois, un petit feu. Une petite laine, ouais, le soir. C'est quelque chose pour se mettre au chaud. Chocolat chaud, guimauve. Ouais. Exactement. Donc, très simple, ça va être l'histoire d'un jeu que vous pouvez vraiment trouver sur Internet. Et l'autre va être une légende urbaine. D'accord. OK. On commence avec Sonic. Donc, de là, le thème que vous avez entendu qui était la chanson thème de Sonic CD, ben, la chanson thème du boss dans Sonic CD. D'accord. Quand même assez effrayant. Ouais, ça fait peur. Oui, c'est ça. Je t'ai dit, j'ai des petits frissons. Quand j'ai entendu, c'était pas des jokes. C'est ça. Très simple, je vais vous parler de Sonic.exe. OK. OK. Un exécutable. Exactement. Sous Windows, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Donc, la manière que le jeu fonctionne, vous ouvrez le jeu et vous avez l'écran type normal de Sonic the Hedgehog 1 au Sega Genesis. Celui que tout le monde connaît. Exactement. Et tout est pareil. C'est les mêmes graphiques, mm-hmm. C'est basé sur la même chose, donc il n'y a pas de problème. Dès que vous appuyez sur Start, ce que vous voyez, c'est l'image de Sonic changée pour un Sonic démoniaque avec les yeux qui saignent et un sourire machiavélique. Que tu nous as posté sur la page du Mathieu Plancheau ou que t'as fait en référence à quelque part? C'est en plein ça. J'ai vu passer sur Facebook. Oui, mais la photo que j'ai mise sur sur la page du Mathieu Plancheau, c'est exactement cette image-là qui flash pendant une seconde quand vous appuyez sur Start. Comme le dirait un animateur gossant de l'émission du matin, c'est fou. C'est du matériel à cauchemar, ça. Ouh, j'aime bien la référence. C'est moi, c'est ça. Donc, aussitôt que vous appuyez sur Start, vous arrivez sur un écran où vous devez choisir votre personnage. Mm-hmm. Sonic n'en fait pas partie. Okay. Vous avez le choix entre Tails, Knuckles ou Dr. Robotnik. Mm-hmm. Par contre, tous les personnages sont verrouillés, sauf Tails. Okay. Donc, vous choisissez Tails et vous commencez le jeu. Aussitôt que ça commence, vous entendez un rire diabolique et la musique devient extrêmement sombre. Vous êtes Tails, vous arrivez dans ce qui semble être le premier niveau de Sonic the Hedgehog 1. Tout à fait normal. Mais il est plat, il est linéaire, il n'y a aucun ennemi. Mm-hmm. Juste la musique qui est dérangeante et vous vous promenez vers la droite avec Tails sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, vous arrivez et vous voyez plein de cadavres des Flicky. Les Flicky étant les petits animaux qui sortent des robots de Robotnik. Ceux qu'on sort à la fin de chaque tableau. Exactement, c'est les Flicky. Mais là, vous voyez des cadavres de Flicky. Uh-oh. Et il y en a quelques-uns qui baignent dans leur sang. Et là, vous vous dites, OK, quel genre de jeu que c'est ça? Dans quoi que je me suis embarqué? Et là, à un moment donné, on arrive au bout du niveau. Et qu'est-ce qu'on voit pas? Sonic. Mais un Sonic qui a de l'air possédé. Comme dans l'écran titre? Non. Non, okay. Il a juste un regard vide. OK, zombie un peu. C'est ça. Ouais. Et là, vous vous approchez. Au fur et à mesure que vous approchez, vous entendez un grichement. Mmh. Un grichement qui est de plus en plus prononcé. Le même genre de grichement que vous allez subir quand vous êtes trop près de Slenderman. Uh-oh. Ouais. On sait ce que ça annonce. Et là, quand vous arrivez vraiment près, l'écran devient noir d'un coup. Et vous avez l'écriture qui apparaît « Do you wanna play a game? » Uh-oh. Comme Jigsaw dans les films de Saw, c'est ça? Exactement. La référence est là. Et là, vous avez un nouvel écran titre de début de niveau. Vous avez toujours un écran qui apparaît avec le nom du niveau et ouais. Là, ça disparaît et vous êtes dans le niveau. Et bien là, l'écran apparaît et c'est Hide and Seek que vous voyez. OK, jouer à la cachette. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est Tails qui est vraiment effrayé. Il a peur et il pointe vers la droite de manière assez intense. Notre réflexe, c'est de se déplacer vers la droite. Oui, ou encore d'aller se cacher à la gauche, dans mon cas. Ouais, c'est ça, mais en tout cas... Faut jouer. C'est ça. Joue, puis essaie de voir qu'est-ce qui arrive si tu vas à gauche. Voir, OK. Je te dis juste ça comme okay. Ça. J'imagine que c'est voulu. Il y a quelque chose à gauche. OK. Et là, vous allez à droite, et à un moment donné, vous voyez Sonic qui commence à vous courir après et qui vous rattrape de manière beaucoup trop rapide. Ouais. Et là, aussitôt que Sonic vous a atteint, Tails se met à pleurer de manière intense, mais Sonic disparaît. Oh. Après quelques secondes, Sonic apparaît, l'écran devient noir et on entend un énorme cri de mort. Aigu, distorsionné. L'écran devient noir. Et on a un texte qui apparaît « You're too slow. Wanna try again? » Vous êtes trop lent, voulez-vous réessayer? Exactement. On revient à l'écran de choix de personnage. Tails apparaît en zombie avec avec du sang et des morceaux qui lui manquent. Et là, c'est Knuckles qu'on peut choisir. Ouais, il a été atteint, là, Tails. C'est ça. On commence le niveau avec Knuckles, le niveau qui s'intitule « You can't run ». Mais là, qu'est-ce qu'on fait au début? On peut courir. Ouais. Donc, on s'en va à la droite en courant. Et à un moment donné, l'écran griche. Et là, quand ça revient, il commence à avoir des taches de sang par terre. Et il y en a de plus en plus. Vous continuez, l'écran se met à gricher. Et là, Sonic apparaît. L'écran devient noir et on a un texte écrit « Found you ». Je t'ai trouvé. On revient à l'écran du jeu. Et là, Sonic, il est comme un peu en train de gricher. Et on s'approche avec Knuckles. Il disparaît de l'autre côté. Oh. On s'en va vers la gauche. Il réapparaît à droite. Et on se promène comme ça plusieurs fois. Et à un moment donné, Knuckles se met tout simplement à pleurer. Il y a un énorme cri de mort. L'écran devient noir. Et on a le texte. So many souls to play with. Tellement so little time. Okay. Would you agree? Tellement d'âmes avec lesquelles jouer, si peu de temps, êtes-vous d'accord? Exactement. On revient à l'écran de choix de personnage. Il nous reste juste Dr. Robotnik. Ouais. On prend Dr. Robotnik. Il est déjà effrayé. Il sait vraiment... C'est pourtant le méchant dans la série. C'est ça. Mais même lui, c'est trop. On se déplace vers la droite. Un moment donné, il y a des pianos sombres qui embarquent. Il commence à avoir des taches de sang au mur en arrière. Sonic apparaît. Il y a un long, long grichage. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et soudainement, en plein écran, nous arrive la photo de Sonic avec les yeux en sang et un sourire un peu à la Heath Ledger dans The Dark Knight. Sourire fendu jusqu'aux oreilles avec les dents qu'on voit. Vraiment tout ce qu'il y a de plus épeurant à nous voir popper dans la face alors qu'on a un grichage depuis déjà un bon 15-20 secondes. Et là, on se dit « Ok, est-ce que c'est juste ça? » Il y a un autre grichement après. L'écran devient noir et ça dit « Ready for round 2 ?» point d'interrogation. Et là, aussitôt qu'on touche à une de nos touches de clavier, qu'est-ce qu'on voit? C'est Sonic en démon et on voit trois pieux avec les trois têtes de nos personnages. Et là, le jeu alterne entre l'image plein écran du visage de Sonic démon et l'image avec les trois pieux. Et c'est comme ça à l'infini, à moins que vous alliez dans Ctrl Alt Delete et que vous arrêtiez l'exécution du jeu. Toi, je t'ai vu jouer à des choses épeurantes sur YouTube et tu restes toujours complètement normal et de glace. Je sais pas, mais moi, je sais que je serais probablement physiquement en train de me pisser dessus. Si vous voyez ça. Parce que ceux sur Tales et dans Cause, tantôt, j'avais des frissons littéralement dans les bras quand tu le racontais. Moi, c'est le genre de choses. Je dois être une fillette. Mais ça dépend. Ce jeu-là, quand tu as des bons écouteurs et que tu es concentré, sérieusement, j'ai eu des frissons. T'as eu des frissons. Okay. Oh, oui, je pensais que tu étais comme un petit peu comme un. Pas robotisé, mais là-dessus, je pas... Je fais moins le saut que la moyenne. C'est ça. Mais je l'ai, le feeling écrasant de... Ah, c'est bien. C'est ça. Exactement. T'as pas l'air d'avoir peur dans ce temps-là. Non, c'est ça. Moi, je pense que ça paraît parce que ma face... Je suis expressif là-dessus, mais on dit que ça me fait peur. Si vous allez sur la page Facebook du Mathieu Plante Show, le lien pour télécharger le jeu est là. Je n'irai pas. Avec quelqu'un peut-être, mais pas tout seul. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, le lien est là. Ouais, facebook.com/ Mathieu Planchot. Ouh. On a une deuxième histoire à se raconter. Oui, donc si tu es là avec le thème qui va annoncer le deuxième jeu. Bien sûr, je suis tellement toujours prêt pour toi, Samuel. Deuxième partie. Ah, c'est parce que l'autre est sur YouTube, c'est pour ça que je fais tout le temps la même affaire que la vie pour fader des affaires, mais là, comme c'est sur YouTube, ça fade pas. Ouais, c'est ça. Youp, très subtil. Et deuxième partie. Tu couperas son montage de ton affaire. Oh, c'est bien ça. la chanson de Lavender Town dans Pokémon Red, ça a un rapport avec l'histoire que je vais vous raconter. Lavender Town, qui est l'endroit où il y a le cimetière pour Pokémon. Donc la maison hantée où il y a tous les fantômes, les Ghastly de ce monde. Donc, qu'est-ce que je veux vous raconter? C'est une légende urbaine. OK? Il y a des gens qui font des versions bootleg des jeux. C'est-à-dire, ils programment un jeu et ils réussissent à l'installer sur une cassette. Et les gens peuvent jouer avec ces cassettes-là sur les consoles. Sur des vraies cassettes, donc tu branches ça dans un truc, puis ça envoie le fichier ROM qu'on appelle dans la cassette, puis tu joues comme si c'était un vrai jeu. En plein ça, exactement. Et il y a des gens qui sont collectionneurs de ces bootlegs-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont se promener, ils vont avoir des contacts, ils vont se promener dans des ventes de garage, ils vont aller voir des programmeurs et ils vont prendre des petits jeux comme ça. Souvent, les jeux sont injouables, ils ont plein de bugs, c'est pas... Mais pour le fun des collectionneurs et des gens qui s'intéressent à ça, c'est parfait. C'est la bonne franquette, disons. Exactement. Mais faites pas comme moi quand j'étais jeune, que j'avais 12 ans, puis j'allais dans les magasins de jeux vidéo. « Hey, est-ce que vous avez l'affaire qu'on peut brancher pour mettre des jeux illégalement sur une cassette? » Allez pas dans un vrai magasin pour ça. J'étais jeune et naïf. Faites pas ça. C'est correct, ça passe. Donc, c'est ça. Cette histoire-là, c'est un gamer, un collectionneur de bootleg, que lui, il a trouvé un jeu dans une vente de garage, un jeu de Pokémon. Donc, une petite cassette de Game Boy. Et c'était écrit Pokémon Black Version. Évidemment, cette histoire-là remonte au temps où Pokémon n'avait pas encore sorti les versions Black and White. OK, au Nintendo DS. Donc, c'était un jeu inventé à ce moment-là. Aujourd'hui, on a un vrai Pokémon Black, mais c'est pas de celui-là que je vais parler. D'accord. Donc, il voit ça, il l'achète, et il dit « Tiens, je vais essayer ça ». Donc, lui, il y en avait plusieurs jeux de Pokémon comme ça. Et là, il essaye celui-là. Il place ça dans son Game Boy couleur. Oui. Oh. Il commence à jouer. Et qu'est-ce qu'il remarque, c'est qu'en fait, il part le jeu et tout est normal. C'est Pokémon Red. Pokémon Red, qui est le premier qui était fait en 1996, 1998 en Amérique du Nord. Donc, il y avait Pokémon Red, Pokémon Blue, puis il y a Pokémon Yellow. C'est de cette génération-là. Donc, c'est quelqu'un qui a pris ce jeu-là et qui l'a modifié. Donc, parfait. Donc, tout va bien. Il commence l'aventure. Ça commence comme n'importe quel jeu de Pokémon. Parle au professeur Oak. Tout va bien. Il commence dans sa maison. Et là, il s'en va dans le bureau du professeur Oak pour faire le choix de son premier Pokémon. D'accord. C'est là qu'il voit quelque chose d'anormal. Au lieu des trois Pokémon de départ qui sont Charmander, Squirtle et Bulbasaur, eh bien là, il y en a un quatrième. Un quatrième qui s'appelle Ghost. Ghost. Ghost, c'est quoi? Il remarque que c'est le sprite des fantômes. Le même dessin en tant que... C'est ça. Donc, la même image que le Pokémon mystère dans Pokémon Red. Donc, quand on est dans la tour... où est-ce qu'il y a le cimetière des Pokémon, avant d'avoir un appareil spécifique qui s'appelle le Slift Scope, quand il y a un Pokémon fantôme qui apparaît, c'est juste une silhouette fantôme, juste du gaz comme ça. C'est un peu fait pour être générique, un peu comme une photo de profil sur Facebook que c'est une face grise. Oui, exactement. Donc, et dans ce temps, quand on a ça, ben, tu peux pas capturer le Pokémon, tu peux pas l'attaquer parce que tu n'es pas capable d'identifier. Ouais. Un coup, tu as le Slift Scope, ben là, tu identifies le Pokémon et souvent, c'est des Ghastly qui sont des Pokémon fantômes aussi. Okay. C'est juste que dans ce jeu-là, ça prenait un objet pour pouvoir identifier les fantômes. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris ce sprite-là du fantôme et il en a fait un Pokémon dans le jeu qui est appelé Ghost et qu'on peut choisir comme Pokémon de départ. Le joueur étant très curieux dit « Ben, je vais prendre celui-là. Si je veux que ce soit différent, il faut que je passe par lui. » Et là, il prend, il est niveau 1 et il remarque que la seule attaque qu'il a, c'est Curse. Un sort. C'est ça. Curse, qui est une technique très connue pour les joueurs de Pokémon, qui a deux effets dépendant de quel Pokémon vous utilisez. Si vous prenez un Pokémon et vous utilisez Curse, ça va augmenter ses statistiques. Donc, ça va l'améliorer. Par contre, si vous utilisez Curse en ayant un Pokémon de type Ghost, un Pokémon fantôme, eh bien, ça va lui enlever la moitié de sa vie et ça va placer une malédiction sur le Pokémon adverse. Donc, cette technique-là a deux effets. Par contre, dans la génération 1, la deuxième effet que j'ai nommé n'existait pas encore. Okay. Ça a été fait par après. Donc, ça veut dire que quelqu'un a hacké le jeu pour changer cette technique-là. Parfait. Ce que la personne remarque, c'est que le jeu se déroule tout à fait normalement. vous pouvez attraper d'autres Pokémon, vous pouvez utiliser d'autres Pokémon. Par contre, c'est impossible de vous débarrasser de Ghost un coup que vous l'avez choisi. Normalement, un Pokémon, vous pouvez aller dans un centre Pokémon et le déposer dans votre ordinateur, déposer la Pokéball et vous avez plus le Pokémon. Lui, c'est impossible de le faire. Okay. Il est pris avec vous. Quand il arrive à un combat, il décide d'utiliser Ghost et de voir qu'est-ce qu'il faisait. Quand il commence le combat contre un Pokémon Trainer, il remarque que les Pokémon ne peuvent pas l'attaquer. À chaque fois qu'il arrive pour l'attaquer, il y a tout le temps le fameux texte « Too scared to move ». J'ai trop peur pour bouger. C'est ça. Et là, il dit « Ok, parfait, je ne peux pas me faire attaquer ». Il utilise Curse. Et qu'est-ce que Curse fait? L'écran devient noir. On entend le cri distordu du Pokémon que vous êtes en train d'affronter. Et quand l'écran réapparaît, le Pokémon n'est plus là. On revoit l'animation du dresseur Pokémon qui envoie son prochain Pokémon. Et quand ça fait ça, on voit une barre apparaître avec le nombre de Pokémon qui lui reste. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que carrément, il y a un Pokémon de moins. Ouais. Alors que normalement, si vous avez battu un Pokémon, on voit juste un X par-dessus la Pokéball. Mais là, il y a carrément une Pokéball de moins. Ouais. Ce qui nous laisse croire que vous avez tué le Pokémon. Là, ça s'arrête pas là. Quand que le combat est gagné, on a deux choix. Soit faire run et le combat finit tout ce qu'il y a de plus normal comme les jeux habituels. S'enfuir. C'est ça. Ou réutiliser Curse. Si vous faites ça, l'écran devient noir. On entend un cri distordu. Oh. Et quand que vous revenez à l'écran normal, eh bien, l'icône du dresseur Pokémon est plus là. Donc, on a tué le dresseur. Si vous quittez la route sur laquelle vous êtes et que vous revenez, à l'endroit où il y avait le dresseur Pokémon, il va maintenant avoir une pierre tombale. L'affaire, c'est que qu'est-ce que les gens remarquent, c'est que le jeu devient extrêmement facile quand vous utilisez Ghost. Il n'y a personne. Ouais. Parce que vous ne pouvez jamais être attaqué. Et Curse élimine d'un coup tous vos adversaires. Par contre, Curse ne fonctionne pas sur les Pokémon fantômes du jeu. Donc, Ghastly, Haunter et Gengar. À part de ça, le jeu, ça va super bien. Quand vous avez fait le tour du jeu, vous avez, à la fin, vous allez faire la Ligue Pokémon. Vous avez 4 dresseurs à affronter, l'Elite Four, et vous avez le champion. Quand vous avez fini, vous avez la cinématique de fin du jeu. Mais normalement, le jeu vous ramène au début. Et après ça, vous pouvez explorer, capturer les Pokémon qui vous manquent, aller battre les dresseurs qui vous restent. Bon, il y a plein d'autres choses à faire. Mais là, au lieu de faire ça, l'écran devient noir et c'est écrit plusieurs années plus tard. Et là, quand on réapparaît, on est, au lieu de notre personnage, c'est rendu un vieil homme. Donc, on conclut qu'on a vieilli. Et on recommence dans la tour Pokémon où il y a les pierres tombales et on est devant une pierre tombale. Ce qu'on remarque, c'est que si on ouvre le menu, on n'a plus aucun Pokémon avec nous, incluant Ghost, qui est absent. Il n'y a plus rien. Là, notre réflexe, c'est d'aller se promener dans la région de Kanto, qui est la région complète dans laquelle se déroule Pokémon Red. Il n'y a plus aucun habitant. Il n'y a plus aucun Pokémon. Vous vous promenez dans l'herbe longue, vous ne pognez plus de combat. Et vu que vous n'avez plus de Pokémon pour utiliser Surf, Cut, Strength, donc des techniques qui vous permettent de progresser dans le jeu. Exemple, si vous devez traverser l'eau pour aller sur une île, ben vous faites surf. Et là, vous n'avez pas de Pokémon pour faire ça. Donc, ça limite beaucoup les endroits où vous pouvez vous promener. Qu'est-ce que la personne a remarqué après avoir s'être promené vraiment longtemps? C'est que si vous allez dans la Diglett Cave, que vous sortez de l'autre côté, ben normalement, il y a des arbres qui vous bloquent le chemin, sur lesquels vous devez utiliser Cut pour passer. Mais là, il y a un des arbres qui pue là. Donc, vous avez accès à ce chemin-là. Oui. Et ça vous permet de retourner vers la ville de départ. Et là, vous retournez à Palatown, qui est la ville de départ. Vous entrez dans votre maison et vous retournez dans votre chambre, qui est l'endroit où vous avez débuté votre aventure. Quand que c'est fait, il y a un combat qui commence, comme n'importe quel combat Pokémon. Et là, vous voyez que votre adversaire qui se présente devant vous, c'est Ghost. Oh oh. Et là, vous êtes une personne âgée à ce moment-là, mais vous n'avez aucun Pokémon. Alors, au lieu que votre personnage recule et qu'un Pokémon prenne sa place, c'est votre personnage qui reste là. Et là, vous dites, là, c'est quoi? Ça va être le combat entre mon personnage et Ghost. Et là, vous appuyez sur Fight pour utiliser des techniques de combat. Et la seule que vous avez, c'est Struggle. Avoir de la difficulté, si on veut. Si je vous explique comment ça marche, c'est quoi ça, Struggle, dans Pokémon? C'est que vous avez quatre techniques. Mais les techniques, vous pouvez les utiliser un nombre limité de fois. Tant que vous ne retournez pas à un centre Pokémon pour vous guérir. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand que vous manquez pendant un combat de vos quatre techniques, eh bien, le jeu de base va vous faire utiliser Struggle. Struggle attaque l'adversaire, mais vous fait des dégâts. Mm-hmm. OK? Donc, c'est vraiment dernier recours. Mais là, vous vous battez contre Ghost. Donc, vous faites Struggle. L'attaque ne fait rien à Ghost, mais vous, vous prenez quand même les dégâts. Donc, tu t'attaques toi-même. Exactement. Et quand il vous reste à votre personnage une petite barre de vie de rien, eh bien là, Ghost décide enfin et utilise Curse. Parce que le reste de temps, vous aviez juste le texte « He's watching ». Il vous surveille. Il est juste là, puis il vous laisse vous attaquer. Et là, il utilise Curse, l'écran devient noir, cri distordu, et l'écran reste noir. Il se passe rien d'autre. Et là, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous redémarrez votre console. Évidemment, vous fermez votre Game Boy. Vous recommencez, parce que de toute façon, vous êtes pris là. Et quand vous arrivez à menu, votre partie sauvegardée n'existe plus. Vous pouvez seulement faire New Game. Uh-huh. C'est terminé. Je ne sais pas qui a fait ça. La personne qui raconte cette histoire-là dit avoir perdu le jeu dans un déménagement, jamais avoir été capable de le retrouver. Le jeu ne se trouve pas sur Internet. Il dit que c'est un des seuls jeux piratés que la personne n'a pas mis à la fois sur Internet et à la fois en cassette sous format bootleg. Mm-hmm. Donc, personne n'a retrouvé ce jeu-là, sauf ce joueur-là qui a raconté son expérience troublante d'avoir joué à ce jeu-là. Il comprend pas comment quelqu'un a pu placer des choses comme ça dans un jeu pour enfants. Ouais. Il dit, est-ce qu'il voulait juste donner une image troublante à Pokémon? Est-ce qu'il voulait juste passer une morale que de toute façon on finit tout par mourir un jour et que c'est souvent la fin se présente comme ça devant nous? Je le sais pas. Mais c'est assez spécial. Comme je vous ai dit, le jeu ne se trouve pas. Vous pourrez pas jouer à ce jeu que je viens de vous parler. Par contre, j'ai pensé à vous. Si vous allez sur la page Facebook du Mathieu Plante Show, je vous ai mis Pokémon Lost Silver, qui est une version du jeu comme ça, aussi troublante que celle que je viens de vous raconter. Mais ça, vous allez pouvoir y jouer. Et en fait, l'image que j'ai mise du jeu est assez troublante aussi. Je confirme. Ouais, c'est ça. Ça se décrit pas bien, là, mais... disons que... Ben, ça se décrit pas bien. Ouais. Vas-y, dis-moi. La deuxième image, là, avec un genre de ver de terre à casquette, avec une grosse bouche, et puis des genres de symboles autour de... C'est des unknowns, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon qui peut prendre toutes les formes des lettres de l'alphabet. Ah! C'est pour ça fait qu'on peut écrire des messages avec ces Pokémon-là si on les regroupe. OK. C'est ça. Eh ben, sympathique, hein? Ouais, vous irez voir ça, c'est à l'image du jeu. Tu me fais peur aujourd'hui, Samuel Girard, j'aime pas ça. Mais c'est un spécial Halloween. C'était réussi. Tu sais que d'habitude, je fais pas ça et que je suis beaucoup plus joyeux. C'est ça, où vais-je insérer mes gags de mauvais goût dans ta chronique aujourd'hui? C'est trop épeurant pour moi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était ça mes deux histoires d'horreur que j'avais à vous communiquer. En effet. C'était un one-time deal. Exact. Je serai pas comme ça dans ma prochaine chronique. Un déplaisir partagé. Merci, oui. Samuel Girard. Ben, ça fait plaisir. J'espère que je te ferai pas trop faire de cauchemars, ni à nos auditeurs. Ah, c'est déjà commencé. Je fais des cauchemars debout. C'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 et au Palmarès C'est fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cif.ca, retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et surtout de Samuel Girard, que je remercie bien sûr, c'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye bye!